Dans quelques instants, notre émission « Vivre et créer à la montagne » va commencer avec son indicatif indiquant habituel des musiciens de la Vallée des Lacs. Alors ça, c'est le vieux vinyle des musiciens de la Vallée des Lacs de 1900 et des poussières, 90 et des poussières. Mais j'attends la tarentelle. J'ai mal placé juste avant. Voilà, je me suis dépêché. Le temps de trouver le bon ordinateur. Là, c'est pas sur ordinateur, c'est sur vinyle. Et là, c'est Emeil. Mais l'indicatif vrai, c'est tarentelle. Ça fait rien, ça nous servira d'indicatif. On va quand même mettre un peu de tarentelle, j'aime bien. C'est plus. C'est plus, comme vous allez voir. Voilà, comme ça. Donc sur l'indicatif indiquant retrouver, voici donc la présentation de la soirée sur Vivre et créer à la montagne, émission culturelle de la montagne vosgienne. Et je vais donc vous annoncer un petit peu le programme de la soirée, avec une ponctuation relative, mais quand même. Ça commencera par l'exposition qui se passe de photos à la... au centre culturel. En fait, pour être franc, j'ai pas eu le temps d'aller tout voir. Donc, je ne parlerai que d'une photographe que j'aime bien, que, et que j'avais interviewé l'année dernière, Sylvie Pierra, pour son expo La ligne bleue en noir et blanc. C'est tout un programme. Alors vous allez l'écouter un petit peu en différé, puisqu'elle avait exposé l'année dernière à Condiment, à La Pranzière, et puis voilà. Donc là, on va l'écouter tout à l'heure, dans l'interview de l'an dernier, mais qui est réactualisée pour l'occasion. Et puis, je passerai une bonne partie du reste de la soirée sur John de l'Hôtel du Peuple, John de Wajdi Mouawad, qui a été donné au Hôtel du Peuple. Alors, on écoutera un petit extrait de John, mais surtout, qui a été donné le 1er et le 2 février à Bussan, mais surtout une présentation de cette pièce à la médiathèque du Thiot, qui a été faite précédemment, et puis également nous aurons le débat du public après la première représentation, et c'est très intéressant. Voilà, donc une bonne partie consacrée à John, et disais-je, donc il y aura diverses autres actualités, ces autres actualités diverses. Je comptais passer l'ami Jacques Ertrich, il s'y attendait. Je comptais passer son entretien sur une expo qui vient de finir, d'ailleurs, malheureusement. Mais bon, tandis que vous pouvez encore aller demain, ce week-end, jusqu'à dimanche, à l'expo du Centre culturel. Il y a plusieurs photographes. Il paraît que c'est magnifique, les autres. Mais déjà, Sylvie Pierra, c'est magnifique. Voilà, donc par contre, l'expo de Jacques Ertrich au Collège du Thiot, avec tous les élèves du collège, a été démontée, là. Bon, et puis j'avais moi un entretien avec lui que pour des raisons techniques je n'ai pas transvasé depuis le Sony de la radio en carte SD, bref, c'est technique. Donc, est-ce que je vais arriver à le passer? Moins que sûr, avec mes connaissances techniques aiguës. Donc, ça sera pour la prochaine fois, dans ce cas-là. Et puis, il y aura donc d'autres échos scolaires notamment, et ces échos scolaires seront l'action que j'appelle Beau les cœurs, qui a commencé au collège de Contrexéville. C'est pas tout à fait à côté, mais enfin rien n'est loin, avec du slam écrit avec des élèves de SECPA, de 5e et 6e SECPA du collège. Et puis nous avons également un extrait de Radio du Collège qui passe sur Radio des Ballons d'habitude, mais qui Radio des Ballons, donc, et donc on écoutera des extraits, et puis peut-être aussi des nouvelles du concours galère qu'on avait lancé il y a 3 ans, voilà. 4 ans. À tout de suite. Voilà, donc si tout va bien, si ma technique n'a d'égal que mon ramage et que mon plumage arrive à trouver tout de suite l'entretien avec Sylvie que j'avais eu l'année dernière pour son expo à Cornimont, eh bien ça ira bien. Alors il faut, comme je vous dis, le temps que je trouve, parce que les fichiers sur les cartes SD, ça se promène. Là, voilà, arrive, c'est bientôt là. Oui, je la vois, RS, slam, soirée. Ah oui, c'est ça. Avec un Y, hein, Sylvie. Voilà, eh ben, on va écouter donc l'entretien que j'ai avec elle, mais qui recoupe son expo de cette année. Alors, on va transposer s'il y a des anachronismes, mais bon, ça devrait marcher. Voilà, c'est parti. Ouvrir avec Audacious, comme c'est marqué. Eh ben voilà, Ordi Jaune, comme c'est marqué aussi. Sinon, ça ne marchera pas. Et voilà. Bien. Vous parlez fort ou... Non. Bien. La version brute que j'ai retrouvée. Pira, qui fait une exposition, ligne bleue en noir et blanc, les Vosges en noir et blanc, voilà. Et c'est une exposition à Cornimont, au centre de la Pranzière. Pas à Cornimont cette année. Sylvie va durer jusqu'à... Et à Remiremont, donc tout ça c'est anachronique. Ne faites pas attention. Les photos vont rester accrochées jusqu'au 11 mars, mais de la période 23 février 11 mars, il vaut mieux me prévenir pour pouvoir y aller. 2018, bien sûr. Donc. Alors donc, c'est dans le vaste édifice qu'est le centre de la Pranzière, là au bord de la Moselotte d'ailleurs, ou plutôt du ruisseau. Qui vient. Alors j'ai appris le week-end dernier que c'était le Xouls. Le ruisseau de Xouls, voilà. Donc, tes photographies, tu es photographe, je t'avais déjà vu l'année dernière à la Bresse, dans le cadre de la Comcom, tu avais exposé, tu avais eu un prix d'ailleurs, je crois, non? Oui, c'est un petit peu ça a été un petit peu un déclic pour moi. Alors, effectivement, j'ai obtenu le prix du jury avec une photo en noir et blanc, qui s'appelle Le Serpentin. Donc c'est un petit sentier vosgien dans nos montagnes bien en pente, avec un arbre. Et ça a été un peu le déclic pour moi. Je me suis dit, ben, pourquoi pas exposer aussi mes autres photos. Voilà. Alors là, on n'est pas à l'exposition même, il faut le dire aux auditeurs, bien qu'ils ne le sachent pas, ils ne le voient pas. On est au Collège du Tuyau où tu exerces depuis cette année comme documentaliste. Oui. Et on va feuilleter le livre de ton exposition, que j'ai vu l'autre jour, bien sûr, que j'ai aimé. J'ai vu ta présentation, ton l'inauguration, en musique, avec François Bégel. Ouais, si, en musique, oui, c'était sur ses propres compositions. Mmh. Voilà. Et donc, là, on va parler simplement de tes photographies. Alors, écoute, alors d'abord, pourquoi, l'autre jour, tu nous as présenté beaucoup de belles photos en couleur, magnifiques, où d'ailleurs on te voit parfois comme une fleur parmi les fleurs, et de dos, mais peut-être pas, jamais de face, c'est de la modestie. Non, pas seulement, non. Ah ouais, oui. Non, mais en fait, j'ai toujours fait énormément de photos et beaucoup de couleurs. Oui. Et un jour, en regardant tous mes paysages vosgiens en couleurs, je me suis dit, mais il y a vraiment des lumières extraordinaires sur ces paysages. Et je pense que là, le contraste nécessiterait un noir et blanc pour que vraiment on s'attache au contraste seulement. Et ouais. Qu'on soit plus... notre œil ne soit pas égaré par la couleur, justement. Oui, effectivement, autant tes photos de couleurs sont très belles. Et là, il y a une dimension supplémentaire qui apparaît dans ton noir et blanc. Alors, on va le feuilleter un petit peu. J'ai créé une ambiance un peu magique, parce que je rencontre souvent des lumières vraiment extraordinaires qui à chaque fois m'émerveillent un peu plus. Dans les Vosges, on trouve vraiment des lumières fantastiques. Et ça a émerveillé le public qui était là, qui était bon, beaucoup d'amis qu'on connaît, bien sûr, des artistes, des théâtreux, des cultureux, tout ce qu'on, de la région, des vallées, notamment Moselotte. Hein. Parce que toi, tu es plutôt à l'origine Moselotte. Oui, je suis originaire de Vanier. Donc, voilà. Effectivement, les photos sont plus axées sur cette vallée de la Moselotte et puis sur les crêtes. Alors, il y a des photos de diverses saisons. C'était d'ailleurs les quatre saisons déjà que tu faisais dans la projection. Et là, je vois, ça commence par une photo d'hiver, là, de neige, magnifique. Oui, avec le noir et blanc, j'ai privilégié l'hiver. Oui. Parce que c'est là que j'ai rencontré les plus forts contrastes entre le ciel un peu orageux et puis la blancheur de la neige, la douceur de ces manteaux neigeux. Voilà, voici donc la piste du collet, effectivement. Alors, et la route. Alors, effectivement, j'ai mis des lieux sur mes photos. Oui. Mais je m'étais posé la question, je ne savais pas vraiment si je devais mettre ces lieux, parce que ce que je veux montrer surtout, c'est la beauté d'une lumière, une ambiance. Et j'invite les gens qui regardent mes photos à simplement s'immerger, mais pas forcément se rendre compte d'où ils sont. Oui, mais bon, des fois on aime bien aussi mettre un nom. Oui, c'est... Ben, finalement j'ai tranché effectivement pour mettre les lieux. Parce que les gens aiment bien. Les gens aiment bien savoir. Ça crée une attention un peu supplémentaire si il y a le lieu. C'est ainsi. Hein. Mm. Maintenant, peut-être qu'effectivement, la photo pure, ça vaut le coup il faudrait peut-être l'avoir en cachant le lieu pour être presque dans la transformation du regard complète que tu souhaites. Oui, peut-être. Mais peut-être il faudrait le cacher mais en même temps, j'ai bien aimé voir la surprise des gens qui m'ont dit ah bon, c'est là. Ah oui, mais parce que c'est un regard différent que je leur propose. Si, mais moi je suis assez pour nommer les lieux personnellement en tant que plutôt géohistorien, si tu veux, c'est mon côté, mais voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique de toute façon. Ah oui, un ciel comme un peu de tempête là-dedans. Ah oui, alors là, je recherche vraiment les ciels un petit peu changeants comme ça, avec les rayons de soleil qui passent au travers des nuages. Alors, quand tu as... Effectivement, je t'avais posé la question hors micro, mais parce qu'on ne trouve plus de pellicule noir et blanc, maintenant, à mon connaissance. Moi, avant, je faisais noir et blanc. Mais c'est vrai, quand j'étais au lycée, j'ai participé un petit peu à mon club photo. Et après, j'ai largement laissé tomber. Et puis, avec l'avènement du numérique, je me suis remise dedans. Et donc là, tous mes traitements sont faits sur un logiciel. Et les photos sont à l'origine en couleur. Oui. Et donc, oui, ils redeviennent en noir et blanc. À part le traitement. Et te crée donc une surprise à toi-même. Hein. Oui. Parce que vraiment, quand on transforme les photos en noir et blanc, on travaille vraiment la luminosité, on cherche les zones sombres, les zones claires. C'est magnifique. Hein. Et là, pour obtenir, par exemple, comme toute photo, mais celle-là, par exemple, particulière, avec ce ciel, tu l'as guetté, tu te promènes beaucoup pour capter ces paysages. Oui, alors j'habite déjà dans les Hauts-de-Vosges, hein, j'habite à Cornimont, et effectivement, je scrute souvent le ciel, et quand je vois qu'il y a une petite ouverture, quand le soleil veut filtrer à travers les nuages, ben souvent je pars effectivement avec mon appareil me balader. Saisir plutôt les matins, les soirs, ça c'est... Ah oui, alors les lumières préférées du photographe, bien sûr, c'est plutôt le matin et le soir, quand les lumières sont plus basses. Non, je ne suis pas forcément du matin, alors pour moi, ce sera plutôt le soir. Ouais, d'accord. Et encore de la neige, à la Salette, au Ménil, magnifique. Hein. Oui, en fait, c'est juste un petit clocheton. Oui, c'est ça. Et c'est tout à côté de la tête des champs. Oui. C'est vraiment un endroit que j'apprécie particulièrement. Oui, c'est... Puis là, il est très valorisé. En plus, c'est tout près de chez moi. Et j'y suis encore allée le week-end dernier, là. Je vais avoir de nouvelles photos. Et le soleil qui est un petit peu mystérieux, presque mystique, j'allais dire, là, avec la Salette. Hein. Oui. Ça s'appelle la Salette. C'est une des chapelles, elle s'appelle de Pitié aussi. Plus loin, je crois. Là. La chapelle de la Pitié, oui, elle est aussi. La route des crêtes, bien sûr, ça, c'est avec des arbres fantastiques, un petit peu. Givrés, hein, effectivement, sur la route des crêtes, on a parfois des paysages qui nous étonnent nous-mêmes parce qu'en bas, on fait à peu près beau, et sur les crêtes, on a l'impression d'être en Sibérie. Ah oui. Hein, c'est parfois appelé la petite Sibérie, je pense, à juste titre. Ah oui, c'est... Là, l'arbre est complètement... givré, c'est un givre qui tient toute la journée, même si le soleil pointe son nez. Entre brume et brume, le tanné, oui, alors, ben, des brumes un peu partout, des sapins. Recouverts de neige, et parfois effectivement une petite lumière qui... On a l'impression qu'il y a un projecteur tout à fait, qui va éclairer ces arbres. C'est vrai que... Bon là on passe vite, on décrit, mais ça vaut la peine de passer comme devant un tableau, devant de se plancher, de se laisser aller, peut-être même à l'écriture, on a envie d'écrire des histoires sur tes... Non, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que franchement, c'est vrai. Non, mais c'est mon pas but pour, c'est de... pas pour te cirer les pompes, mais c'est vrai, cette... Bon, comme on a un skieur, j'aimerais bien les ateliers d'écriture, tu vois, avec... Alors, ce skieur, alors, imaginez où va ce skieur dans, solitaire. Ouais. J'aime vraiment bien passer une petite présence humaine sur mais, le paysage. Souvent solitaire. Souvent solitaire. Un personnage. Ouais. Des fois, c'est toi dans la couleur, mais là c'est d'autres personnages. Ouais, je trouve que ça suffit vraiment à montrer l'immensité du paysage. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, effectivement, on peut s'identifier, se raconter une histoire. Et c'est ça qui m'intéresse. L'humain. Dans bien, alors là, il n'y a pas de personnage, mais il y a le banc. Un banc. Et tout de suite, on a envie de raconter une histoire. C'est vrai, c'est vrai. Immensité, Ménuphos. Ah, Ménuphos, c'est le col, c'est vers la Piquante Pierre, ça, c'est le col de Ménuphos. Oui, ouais, ça rejoint la Roche des Chats, c'est entre Cornimont et Bas-sur-le-Rue, près de la Croix des Moinas, et c'est aussi un de mes coins de balade préférés. Pas de trois. Ah, hélas, oui, enfin là, ils étaient trois. Ah, mais oui, oui, t'as la brique. Il y a beaucoup de monde, c'est... Voilà. Non, je me refuse à faire disparaître des personnes. Bien sûr, t'as raison. Éclairage en ligne, toujours Ménuphos, ouais. Là, il y a un ciel très noir, hein. T'as pas besoin du beau temps pour faire les photos, au contraire, peut-être. Ah non, plutôt le temps... Là, c'était tourmenté, après la neige, quand le ciel est encore plus tourmenté, on a l'impression qu'il va y avoir de l'orage. Et c'est là qu'on a vraiment de belles lumières, de forts contrastes. Les trappeurs, le haut du taux, puis avec un soleil aussi qui apparaît, presque une deuxième ligne de soleil, c'est les deux soleils là presque. Et puis trois, là sont quatre ou cinq les trappeurs. Pourquoi tu les appelles les trappeurs? Oui, il me fait penser à des trappeurs, je sais pas, au Canada, ces immensités. Alors que c'est pas immense, hein, le haut du taux, mais on peut imaginer. Oui, quand même. C'est... Voilà. Bien, bien. On a toujours en hiver la route de la vie. De la vie à Ménuphos, c'est pas la route de la vie. Oui, ça m'a fait penser à une route de vie, parce qu'on chemine comme ça, on a des petits virages. De temps en temps, ben, ça va plus ou moins bien. Et puis après, on va vers le soleil, vers un arbre. Ouais. Toujours le même contraste de lumière. Il y a une route, Ménuphos, avec... Alors, Ménuphos, c'est toujours la même route, en fait, oui, je photographie. Oui. Hein, c'est celle-là, qui est sur... Je l'aime vraiment beaucoup. Oui, une belle route, un serpent, là, oui. Alors, il faut être bien en face pour pouvoir avoir la pente. Hein, sinon, si on va dessus, ben, on n'a plus la... Ça écrase, la photo écrase les reliefs. Donc là, je suis en face et j'essaie toujours d'avoir mon serpentin... dans mon objectif. Ouais. Et là, tu as, il y a un bon contraste, un extrême contraste entre le blanc du premier plan, la ferme qui est dans la lumière, et puis le sombre inquiétant des forêts, des monts derrière, qui rejoignent le ciel très noir, hein, très sombre. Avec les forêts de sapins, de pissées avogènes, donnent toujours cet aspect un peu dramatique, serré, dense. Et tu sais que, d'une certaine façon, dans les vieux livres des Vosges, c'est ce côté-là qui ressort et qui est impressionnant. Et là, tu l'as à nouveau dans les vieux guides en noir et blanc, et avant qu'ils fassent la couleur, on trouvait ces Vosges. Moi, ça me plaisait. C'est ce qui me... C'était un petit peu ce qui m'a attiré dans les Vosges, d'ailleurs, ce mystère un peu, ce côté limite le réel, l'irréel, l'imaginaire, et puis le... Et là, c'est vrai, par exemple, sur celle-ci, j'ai un peu... j'ai mis un filtre un peu qui adoucit un petit peu les contrastes, justement, et on a l'impression que la forêt, elle se mêle à la route, c'est vraiment... un tout, cette photo-là, et avec les petits personnages qui se baladent sur la route, j'aime vraiment bien. Et quand tu choisis tes photos, tu en fais en numérique, tu dois en faire... Bah oui, j'en fais beaucoup. Après, tu sélectionnes après. Mais là, j'essaie d'en faire de moins en moins pour effectivement... Pour avoir l'œil... travailler le cadrage dès la prise de vue. La route des crêtes avec... un skieur, effectivement. Ouais. Alors c'est la route des crêtes vraiment complètement enneigée, et là c'est au mois d'avril, hein. C'était, on avait, en bas il n'y avait vraiment plus de neige, on était dans un autre monde là. Ah oui, le Tannay également, à lumière fugace, toujours c'est noir et ce soleil qui perce un peu les nuages. Hein. Oui, qui éclaire simplement un plant. Un truc qui a été épargné par la plantation de sapins. Ah oui, alors la tête des sœurs de Ménil, tiens. Du Ménil. Là on est encore en hiver ou je vois pas, si c'est la oui. neige, c'est encore la neige. Un petit peu de neige. La tête des sœurs, oui. C'est un lieu pelé, oui, la fête des sœurs, c'est un lieu... Non, c'est bien quand même de mettre les noms à nouveau, parce que ces lieux, on s'en parle en eux-mêmes déjà. Hein. Moi j'aime bien les noms de lieux déjà. Mm. Mais c'est vrai que c'est un des rares sommets très proche ici, parce qu'on est au Tio à 1000 mètres quand même. Ah oui, déjà à 1000 mètres, et puis très somme. Et celle-là, oui, c'est une de celles que je préfère, le lac de Saulxures. Oui, c'est une de celles qui est plus. Pour, avec le lac, là, le lac de Saulxures. Il faut en faire le tour, et puis là, vraiment depuis le bout du lac, on a, si on fait bien attention, on a une petite vue sur le clocher de l'église de Saulxures. Effectivement, alors là, j'ai même un beau reflet, quelques flocons au sol. Les lacs sont toujours quelque chose de... Et on peut se mettre avec l'eau, les reflets. Ouais, vraiment, c'est sympathique. La corniche du Honec, oui, qui est bien. Toujours, alors c'est à nouveau en hiver. Hein. Et la route des crêtes, là. Oui, il y a énormément de photos qui sont en hiver. C'est là que j'ai trouvé les plus belles lumières. Et j'aime bien rendre. On voit encore plus la blancheur de la neige sur un noir et blanc. C'est sûr. Avec les nuages un peu chargés. Ça nous crée une ambiance dramatique. Ouais. La Roche des Chats, c'est au Ménil, ça, non ? Alors la Roche des Chats, en fait, c'est à l'autre bout de Menufos. Ah oui. Quand on est à la Croix des Moinas, on peut aller à la Roche des Chats. C'est un beau départ de balade à raquette, à ski de fond. Ouais. Un pêcheur de brume au lac de Saulxures, à nouveau. Ah oui, alors là, c'était un matin. Parfois, quand même, je... Puis tu arrives à te lever. J'arrive à me lever. Et le matin, comme ça, sur les lacs, on a des petites brumes sympathiques. Hein. Les Vosgiens connaissent bien ces petites brumes-là qui disparaissent dès que le soleil est un peu plus haut. Hein, on a vraiment la petite brume quand le soleil est rasant. Et une heure après, il n'y a plus rien. Et puis, la dernière vue... après vous, le Tannay. Après vous, il y a une trace. Hein. Oui. Ouais, j'étais la deuxième, parce que j'aime quand même bien, quand il neige, être là au moment où la neige est encore fraîche et pas foulée. J'aime bien faire les premiers pas, et là, sur celle-ci, il y a quelqu'un qui m'avait tracé la trace, fait la trace, mais une belle trace. Quoi. J'avais envie de la suivre. Ouais, voilà, ouais. Et tu nous invites à suivre. Et je vous invite Suivre. Là, puisqu'on est avec ton livre de référence, c'est le même ordre dans l'exposition ou à peu près. Non, je ne crois pas, parce que j'ai repris les cadres et après je les ai disposés par terre pour voir comment je pourrais les arranger. Ouais, en tout cas. Et là, en ce moment, tu continues, tu es présent des fois à Cornimont pour discuter un peu. Alors j'y passe de temps en temps, effectivement, quand le temps me le permet, mais sinon j'y serai le dimanche 18 après-midi. Ah, dimanche 18. En fait, là, c'est râpé, hein, c'était l'an dernier, ça. Là, elle était, Sylvie, à Remiremont. Avec François Bégel. Bon, je ne sais pas si elle sera ce week-end encore, mais sûrement un peu. Allez voir mon exposition, c'est ma première exposition, et c'est vrai que ça me ferait plaisir d'avoir vos ressentis. J'aimerais bien avoir des petits mots sur vos histoires éventuelles. Ouais. Et voilà, mais moi j'y retournerai, je vais commencer à t'écrire une histoire quand je retournerai. Au moins que je peux l'écrire à partir du livre aussi. Si ah ça oui, prend. Ça pourrait être sympa. Oui. Mais bon, dans le cadre même, c'est peut-être plus que ça repose sur le livre. Bravo. Et tu continues à photographier en ce moment aussi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, je suis encore allée au Ménil là, dimanche, alors qu'il y avait des lumières magnifiques et beaucoup de neige à la tête des champs. Ah oui, bon, et c'est un quoi ton appareil Alors c'est un Sony, c'est un réflexe Sony, Sony ouais. Et je viens d'acquérir un grand angulaire, un objectif grand angulaire avec lequel je m'amuse beaucoup. Donc je serai donc dispo dimanche 18, dimanche 18 de 14h à 18h. Très bien. Et sinon, là c'est râpé aussi vers tous les jours jusqu'à 19h. D'accord, eh bien bravo Sylvie et bonne expo. Merci beaucoup Vincent. Et bonne photo surtout pour continuer. Ah, il n'y a pas de souci, là je continue. Voilà, bah, c'était donc Sylvie Pierra l'an dernier, mais elle pourrait dire la même chose cette année, et moi aussi d'ailleurs. Peut-être je dirai d'autres choses. J'essaierai d'y aller dimanche d'ailleurs, ou samedi, demain. C'est au Centre culturel, où il y a bien plein d'autres photos, vous dis-je, donc jusqu'au 9 et 10 février. Une belle expo à ne pas rater pour tous les amateurs d'art et de beauté vosgienne, et de beauté tout court. Voilà. Ah ben on va aller un petit peu avec les Trainbus, qui sont un orchestre du Morvan, un espèce de groupe de rock. Mon fils qui aime bien ce genre, les avait rencontrés dans une soirée dans le Morvan. Moderne. Quand sur le zinc je pose mes euros, je me prends pour l'homme des tavernes. Je discipline rien dans mon chef, je me prends pour le mec des casernes. Dans mon passé je file de rechef, je suis le gars de l'âge des cavernes. Et c'est Bourdin Rue, accompagne nos nuits. Quand je déraille soudain hors de forme, je m'étale vite vers le lit de blanc. Sur le grand braquet, ça devient conforme, ça roule à ne plus faire semblant. Quand je salive au goût de l'aventure, je postillonne sur Vasco de Gama, m'entortille nu dans une tenture et je crache pas sur tous les lamas. Et c'est Bourdin Rue, accompagne nos Trainbus Rock Morvandio, et ça c'était les Bourdineries, voilà, par Antoine Bijon, qui est le compositeur du groupe. Alors faut voir leur tête, hein, c'est sacrée tête, et puis il y a une photo près d'une distillerie, voilà, ça dit tout. Le Trainbus, c'est quand même intéressant ça comme groupe. Tiens, qu'est-ce qu'ils me disent encore? Bah oui, tiens, là il y a d'autres histoires. Le cochon. Merveille de la nature élevée à la ferme ou en pleine nature. Voilà. Il y a. C'est même dédicacé, tiens. Ils me l'ont dédicacé, c'est encore mieux. Le Jode. Il y a Morvan. Tiens, peut-être qu'on écoutera Morvan quand même tout à l'heure, tiens. Les Brels. Les Brels. Sacrée soirée. Puis le rock des Rengaines. Et puis Giroflée. Et puis La Vache n'est pas folle. Ah ben tiens, c'est intéressant. Tout un programme, un groupe qui se prend pas au sérieux, qui est pourtant très, très marrant, qui fait des sortes de quaroches dans le Morvan. C'est là que mon fiston me les a fait connaître. Il m'a acheté ce disque que je vous passe, qui est assez méconnu par nos coins. Les Trennebuches, voilà. Et ben maintenant, on va aller au Théâtre du Peuple, comme je vous ai dit, avec déjà un extrait, ce qui vous donnera une idée de la pièce de John de Wajdi Mouawad. On en parlera un peu plus dans le détail après. Et voilà, et on va avoir déjà une idée. Ça se passait à la salle des fêtes de Bussan, parce que l'hiver, le théâtre n'ouvre pas trop. C'est arrivé quand même que le théâtre fasse des expériences d'hiver. Notamment, Pierre Guillois avait inauguré ça dans les années, quand il était là, en 2006-2007. C'était la soirée, la soirée Moufle du Vébonnet, et c'était sur la tragédie du Mont-Blanc, le premier sauvetage, Vincent Don et Henri, je sais pas si vous connaissez, dans les années 55, par là, une catastrophe de sauvetage qui a pas eu lieu, d'ailleurs, qui s'est pas bien déroulé. Voilà, donc, effectivement, voilà. Tiens, ça me fait penser, en parlant de Bussan, je vous en parlais tout à l'heure, du sauvetage aussi, qui, lui, j'espère, se passera bien, du presbytère de Bussan. Je vous en toucherai un petit mot, peut-être davantage une autre fois, parce que il y a tellement à dire. J'en parlerai à Radio des Ballons, d'ailleurs, tiens. Puis je rediffuserai Radio des Ballons pour me commenter moi-même. Mais là, on va donc écouter un extrait de John. Wajdi Mouawad. Comment ça se fait qu'il y a toujours personne avec moi? Comment ça se fait que mon téléphone portable, il sonne pas de la journée? Il marche, Chris, mon téléphone. Mais comment ça se fait qu'il sonne pas? Tabarnak, comment ça se fait qu'il y a personne au monde qui sait que je suis en train de virer fou? Comment ça se fait? Il marche, hein! Mon téléphone, tabarnak, il marche! Dis mon répondeur, Calice! Y'a jamais de message! Jamais de message de personne, de personne! Où ce que vous êtes, là? Où ce que vous êtes? Hey, réveillez-vous, Calice! Je suis là à parler devant une caméra, à parler pour je sais pas, c'est... C'est pas normal, ça! C'est pas normal que je sois d'être là, vous parler à vous, qui êtes pas là, jamais là, vous dire tout haut, puis tout bas, puis tout fort, puis tout ça, comment j'ai peur! J'ai peur, Chris, j'ai peur! Vous comprenez ça? C'est pas normal de marcher tout seul sur la 30 en pleine nuit, c'est pas normal, il y a trop d'animaux morts, je les voyais pas, j'ai marché dedans, j'ai écrasé la tête écrasée d'un chien écrasé, j'ai tout senti sous mon pied, la sensation, là, l'œil qui éclate sous la semelle, j'ai marché sur un raton, une moufette, j'ai marché sur des chats, puis des oiseaux, sur toute la mort! Toute la mort, la mort sur quoi je marchais, puis qui a fini par me rentrer dans le corps, dans tout le corps, et bien des affaires, entre par les pieds quand tu marches, puis ça finit par te remonter à la tête, puis toute la mort, mais remonter à la tête, puis le corps de Jane, c'était la mort, puis ma mère aussi, c'était la mort, puis mon père, c'était la mort, puis mon frère, c'était la mort, puis ma tête, puis ma main, mon corps, je me disais, t'es fou, mais c'était rien que pour me consoler. Et je veux pas vivre juste en me consolant. Se consoler, c'est toujours manquer de quelque chose. Et moi, je suis pas capable de me consoler de Jane, de ma mère, de mon père. Je suis pas capable, tu sais. Je suis pas capable. De toute façon, j'ai jamais été capable de faire de quoi, tu sais. Je suis pas capable de dire, je suis pas capable à personne, et même pas à Jane. J'ai jamais dit. Elle me demandait, est-ce que tu, j'y disais. Bah oui, voyons. Bah oui, moi, je pensais avant que j'allais tout faire. Pour faire plaisir aux gens, je pensais que j'étais quelqu'un de bien, de bon, je pensais aussi que j'allais faire de quoi. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert quand toute la merde du monde devient plus importante que toi? À qui ça sert? cette nuit-là, si j'avais été capable d'arriver à la mer, tout aurait été différent. Mais j'ai pas été capable de me rendre jusqu'au bout. La nuit était bien trop noire, puis mes jambes m'ont lâché. J'ai pas été capable de tenir. Le jour se levait plus, les étoiles suffisaient plus. La trente devenait trop longue, trop laide, trop rouse. La mer, je l'ai alors perdue de vue, puis j'ai bien senti que je pouvais plus rien faire pour m'y rendre. Je suis pas épais, tu sais, je pouvais pas. C'est pas que j'ai pas essayé, j'ai essayé, mais j'ai pas été capable. C'est tout, j'ai pas été capable. Je suis pas capable, anyway, de rien. Chris, je voulais juste vous dire pourquoi je me tue, mais je le sais pas moi-même. Puis je veux pas le savoir. Je veux juste le faire pour plus penser à rien. Ce soir, je le sais. Pourquoi je suis venu au monde, pour en partir le plus vite possible. Ce soir, je le sais que j'aurai toujours de la peine. Je vois pas comment ça peut changer, tu sais, tu peux pas. La vie, être mort, puis être lâche plus. C'est pas tous les papillons monarques qui s'en vont au Mexique. Il y en a qui restent à crever sur l'asphalte du chemin. Et moi, le vent est trop fort, la haine a brisé mes ailes et je ferai pas partie du voyage et j'ai peur d'arrêter de parler. Voilà, vous avez compris que c'était l'histoire d'un suicide qui se déroule sous nos yeux. Et nous allons ensuite passer à une autre séquence qui est l'arrivée de sa sœur après le suicide. Tu es parti, aveugle, emportant avec toi nos cœurs. Tu es parti, aveugle, sans voir le temps, sans voir ton cœur tremblant. Et vivant. Je t'appelais mon petit frère. Je t'appelais par ton nom. Rappelle-toi, petit, nous jouions ensemble au milieu des meubles du salon. Maman rassemblait tous les fauteuils, les tables, les sofas, et repliait le tapis autour d'eux. Et toi et moi, rappelle-toi, on se perdait là-dedans. Je t'appelais John. John, viens, mon petit frère, viens. J'ai peur, sauve-moi, protège-moi. Et toi, tu courais, tu te dépêchais, tu m'appelais. Nelly, Nelly, où es-tu? Ne te perds pas, ne t'éloigne pas, reste avec moi. Et encore, viens me raconter l'histoire de mon enfance. Mais aujourd'hui, mon frère, tu as emporté avec toi mon cœur et son enfance. Et l'enfance, oui, est devenue un couteau que tu m'as planté dans la gorge. Comment le retirer à présent? Comment veux-tu que je ravale ma salive? Tu es ce mur qui tombe. Comment survivre à la mort du sang? De son sang! Pourtant, tu aurais dû savoir! Tu aurais dû savoir! Que comme il y a longtemps, caché parmi les meubles du salon, tu aurais encore pu m'appeler. Nelly, Nelly, j'ai peur et j'ai mal. Il n'y a plus de printemps, plus d'horizon. Trop d'accélération désormais m'emporte. Je ne parviens plus à ralentir. Nelly, Nelly, ralentis-moi, ma sœur. Et moi, comme toujours, je t'aurais pris dans mes bras. Je t'aurais caressé les cheveux. Comme au temps où, lorsque trop de peine déjà noyait ton cœur, tu courais vers moi. Et moi, ta grande sœur, je t'ouvrais mes bras où tu venais te protéger. Comme ces instants uniques, je t'aurais dit. Tout passe. Patiente. Patiente! Patiente! À présent, comment reconstruire l'histoire? Comment consoler les morceaux de toi qui sont là, au fond de chacun de nous? Ton cœur de poulpe me manque. Ton gros cœur d'olifant. Trop lourd pour éviter les coups, trop gros pour éviter les braises. Je porte ton corps d'adolescent transi. Je porte chacune de tes paroles, chacun de tes regards de gros homards effrayés. Nous sommes privés de ta lumière intelligente. Privé de ton souffle de vie. Privé de ton jaune adolescent. John, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi je ne t'ai pas entendu? Pourquoi je n'ai rien compris? Pourquoi ta peur et ton monde sont restés fermés? Où commence l'histoire? À ta naissance? Où commence ta mort? Quand? Comment? Pourquoi? Contre quoi? Pour qui? Au nœud de quelle douleur tu as appris à nouer ta gorge pour empêcher les mots, les sons, les voix, les douleurs? John, est-ce que tu pleures dans ta tombe? Il y a des cadavres qui fleurissent de trop de peine. Sache, mon frère, que ta mort embaume ma vie. Rien ne me fera oublier les rires et les joies. Rien ne me fera oublier tes insupportables crises. Rien ne me fera oublier ces nuits où, éveillée, j'allais entendre tes respirations. Tu étais mon petit frère. On ne parle jamais assez des grandes sœurs. je porterai ta courte vie jusqu'au seuil de mon tombeau. Tout passe, John, tout passe. Tu diras cela à ceux-là qui, seuls au fond de leur tombeau, croient que la mort leur est destinée. Dis-leur, toi le vaillant, le courageux, que la douleur passe. Il y avait là une centaine de personnes, dont pas mal de jeunes du lycée de Parmont, voilà. Alors je vais vous retrouver tout à l'heure les débats, mais préalablement je vais ça sera peut-être mieux de passer le débat tout de suite. Parce qu'il y avait une présentation par Héloïse Erard que j'avais enregistrée à la médiathèque. C'est une plus longue réflexion, on va laisser la place au débat. Voilà. Et puis après un petit peu de musique pour rester un petit peu dans cette ambiance particulière. Thank you. Je vous ai fait écouter le doudouk, flûte arménienne. C'était joué par Levon Minassian sur une musique de Armand Amar. Et Levon Minassian, moi, ça m'évoque, je l'ai rencontré à Marseille, c'est là que j'avais écouté sa musique pour la première fois. Et c'était au théâtre Turski, qui est un théâtre particulier, qui avait une rue, il y a même une rue Léo Ferré, là c'est Richard Martin, un ami de Léo Ferré, qui gère le théâtre Turski avec, j'y étais pour la nuit de l'anarchie, qui fait chaque année aussi. Et là, c'était cette musique arménienne, peut-être la nuit de l'anarchie, d'ailleurs je sais pas où, un autre moment fort. Et j'ai acheté donc ce disque et j'avais écouté Les Vents de Minassian, remarquable, époustouflant même. Il est de Marseille, il habite Marseille, comme beaucoup d'Arméniens. Hein. Les Arméniens ont été exilés après le massacre pendant la guerre de 14 par les Turcs. Et il y en a beaucoup qui sont venus à Marseille. Aznavour, par exemple, faisait partie de la diaspora arménienne. Doudouk, c'est cette flûte sauvage, ton âpre et infini. Ton appel infini, pardon. Doudouk, flûte sauvage, ton appel infini est un puissant breuvage s'opposant à l'oubli. Voilà. Une musique qui là était un des morceaux de ce CD qui s'appelle Chant pour un monde à part. Et ça s'appelle Auvergne Engan, ce morceau que je vous ai fait écouter. Les vents sont tombés. Voilà. Et ben c'était donc après cette sorte de, je ne dirais pas l'apothéose du suicide, c'est pas, John n'est pas une apothéose du suicide, mais une réflexion douloureuse et forte sur le suicide, et puis sur l'au-delà de la mort, et malgré tout, tout passe, la sœur de John. Alors on va écouter le débat justement. Ça sera intéressant. Techniquement, peut-être, mais ce sera bien, je pense. Voilà. On va voir. Ça va donner le débat qui a suivi au théâtre, à la salle des fêtes, pardon, de Buchan. Avec quelques jeunes qui se sont un peu exprimés sur la fin, vous verrez. Excusez-moi, je voulais simplement vous demander de vous présenter parce que vous m'avez beaucoup impressionné. Ah, je m'appelle. Cacteur, peut-être bien sûr, formidable. Et vous avez été tellement formidable que ça me passe à travers le corps comme ça vous passe à travers vous. Bah, merci beaucoup. Madame et monsieur. Mais je m'appelle Damien Gabriac, je suis acteur. Bon. J'ai été formé par l'actuel directeur du Théâtre National de Strasbourg, mais à l'époque, il était directeur de l'école de théâtre de Rennes. Voilà. Et avec Margot, on est de la même promotion. Hein, on se connaît depuis 15 ans. Et voilà, en gros, puis j'ai beaucoup travaillé avec son metteur en scène là, Stanislas Norvé, avec aussi Thomas Joly, si vous connaissez ça, un metteur en scène, qui était aussi dans notre promotion. Voilà. Donc, on pourrait aller très vite. Et je suis né dans l'Aveyron. Oui, il habite à Rennes. Et j'habite à Rennes. Pas au Québec du tout. J'ai rien de québécois, à part peut-être ma chemise, mais un costume. Et toi, après, c'est toi. Moi, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais... Enfin, on a fait une école ensemble, effectivement. Moi, maintenant, j'habite à Saint-Étienne. Voilà. Et en fait... Comment ça se passe? Ça se passe pas que... Ça se fait plus maintenant d'avoir des troupes permanentes de comédiens qui seraient à un endroit et qui travailleraient dans un théâtre. Ça se fait à la Comédie Française, à Paris, et c'est le seul endroit. Donc en fait, on appelle ça des comédiens freelance, quoi. Enfin, on travaille à différents endroits avec différentes personnes, quoi. Ouais, en fait, en général, oui, c'est ça. Nous, on n'exige pas grand-chose, on fait ce qu'on nous demande. Vous allez à Avignon pour vous faire connaître, non? Ben, c'est toujours pareil, si on fait un spectacle qui va à Avignon, on va à Avignon, mais sinon, c'est pas une... C'est pas une... Et votre répertoire, c'est quoi? Stanislas Nordet est quelqu'un qui monte énormément de textes contemporains. Mmh. Donc du coup, et dans l'école, il y a cette politique-là de faire travailler beaucoup les acteurs sur des textes contemporains. Donc j'ai fait beaucoup de contemporains avec lui, du Majdi Mouawad, Fausto Paravidino, Laurent Godet, des textes du Living Théâtre de Judith Magna et Julianne Beck. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Camus. Falk Richter, Albert Camus. Et j'ai fait, avec Thomas Joly, j'ai fait pendant 7 ans, j'ai fait du Shakespeare. Donc un peu de tout. Quand on attaque un texte aussi fort, là, en tant qu'être humain et puis acteur, qu'est-ce qu'on en fait d'un texte? Parce que là, il y a tellement de choses. Comment ça touche l'acteur au-delà de votre performance, que vous avez trouvé aussi exceptionnelle? Qu'est-ce qui se passe en vous après avoir travaillé à tel texte? Parce que ça nous touche tous, c'est un truc de, chacun va y trouver quelque chose de fort. Enfin, je dirais même en fait, quel est le travail d'appropriation après la première lecture du texte. Peut-être aussi, oui. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, on se dit, bah, on va le jouer, et puis bah, voilà, forcément, ça remet des choses en nous. Qu'on a, bah, voilà, on a tous eu des adolescences différentes, plus ou moins difficiles. Moi, je ne sais pas par quelle adolescence vous êtes passé, mais ça remet des choses intimes. Quand on lit un texte comme ça, bah, y a des choses qui montent à la surface. Mais après, c'est pas. Il y a le professionnalisme de l'acteur, pardon, et après, il y a aussi l'intimité, quoi. Exactement. Et après, c'est pas très différent de tous les autres textes. Chez Roméo et Juliette qui parle d'amour, il faut se l'approprier, pareil. Et c'est. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu, le suicide, surtout des jeunes gens. Dans Roméo et Juliette, ils se suicident aussi, hein, mais on dit que c'est pas le sujet de la pièce. Mais là, et aussi là, le sujet de la pièce, c'est il est encore vivant quand il parle. Donc il parle de sa solitude, il parle de son mal-être, il parle de tout ça. Et après, moi, je suis acteur, et c'est, voilà, c'est toujours pareil avec un acteur, c'est à la fois de la technique, de dire un texte, c'est à la fois, on est notre propre instrument, ce qui est très bon. On est notre instrument, donc c'est mes larmes, mes rires, mes choses, mais c'est pas forcément avec des choses de ma vie. Enfin, c'est-à-dire, c'est un mélange de choses qui peuvent m'émouvoir hors contexte de ça et qui me permettent de traverser ce texte-là. Et après, ça dit des phrases qui touchent tout le monde. Enfin, c'est des. Dire salut papa. Hors contexte, salut maman, moi je peux me faire remonter de l'émotion en disant salut maman. Parce que ma maman elle est dans l'Aveyron et je la vois pas souvent. Et donc voilà, c'est tout con, je suis pas obligé de penser en me disant c'est John qui va se suicider quand il dit maman. Damien dit salut maman et ça l'émeut. Et je le coupe, moi, vous êtes dans un contexte, pas moi. Enfin, plus ému que l'acteur en fait. Finalement. On reçoit beaucoup plus. Le spectateur, lui, ouais. Il voit, il a un cadre, il sait. Quand j'ai dit. Il y a une histoire devant. Moi, j'ai juste suis au présent et j'avance avec le texte petit à petit. Et je suis pas forcément de l'histoire de ce qu'on entend beaucoup à la télé avec les acteurs ou actrices de cinéma qui disent je suis rentré dans la peau du personnage. C'est un peu des conneries. Ça dépend, des fois on se sert aussi un peu de ça. On s'en sert un peu. On fait plein d'équilibres. Et puis des fois, c'est aussi des trucs. Quand il fait des accélérations, ben, le fait d'avoir réussi à faire l'accélération comme il le voulait, et ben, paf, ça l'émeut. Enfin, en fait, on jongle avec plein de trucs différents. Ça crie beaucoup. Hein. Ah. Pourtant, ce parti pris, ah oui. Bah, c'est très forcément frontal. La thématique va de soi. Mais j'ai trouvé que c'était très violent, quoi. C'est très violent. Ça gueule très fort, quoi. Ça crie fort. Et il le dit, je vais vous cracher en pleine gueule. Ouais. Il n'arrête pas de le dire. Il dit, il la hait, c'est de la haine hein, dont il parle, sa mère. Ouais. Et après, oui, il est seul. Il se dit, de toute façon, je vais tout effacer. Il dit que tout est possible, que ce soit des émotions trop fortes ou hurler des bêtises par-dessus la tête. Il dit, au début, je ne vais pas le faire. En fait, il le fait. Parce qu'il se dit qu'il va effacer la facette. Mais oui, c'est un ado dans le cri. Est-ce que vous regardez vos cassettes après? Jamais. D'ailleurs, je la casse. Il reste que le petit bout de la fin. Bon, c'est très désespéré, bien sûr, mais en même temps, Nelly ouvre une autre dimension. Comment, bah, Nelly C'est pour ça que ça, en fait, ce spectacle il a été écrit l'année dernière, Et c'était vraiment que John, en fait. Ah oui. Et donc, il y a eu un petit peu des doutes quant à qu'est-ce qu'était la proposition pour savoir comment on sortait d'un spectacle comme ça. Et en fait, il s'avère que Wajdi Mouawad, l'auteur, il avait écrit aussi des versions où il y avait la frangine Nelly qui venait. Donc effectivement, ça a été décidé de prendre la version où il y avait Nelly. Pour essayer de donner un autre point de vue, en fait, pour se dire que c'était possible qu'il y ait plusieurs points de vue sur comment il se jugeait, lui, il y avait quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Ça va bien avec Maurice Potcher, il voulait que ça finisse toujours bien, lui. Oui, mais... Pas bien. Est-ce que ça finit bien, là mais, forme bien. Mais souvent dans les textes de Wajdi Mouawad, en plus, il y a une chose de cet ordre-là, de la fin, de la parole de consolation, un peu, de pleurer ensemble, quoi. Parce que... trop, d'ailleurs. Moi, j'aurais bien terminé avec vous. Mais Wajdi, il a de plus en plus tendance à... Ah, c'est pas de plus en plus, il l'a toujours fait. Ouais, parce que oui, ça, c'est mais... une pièce qui est très, très... Moi, je suis ancienne, beaucoup son théâtre. C'est son premier texte. Oui, oui, non, mais et c'est vrai que c'est... Ouais, c'est... Le dernier, il a tous des oiseaux, à un moment donné, c'est... Il y a toujours ce moment où, voilà, allez, le monde est... Je me serais bien arrêtée au départ, c'est parce qu'on le sait, hein, voilà. Les plus jeunes, là, derrière, vous partez, vous avez des questions, des remarques, des... Allez-y, j'ai vu une main, là. Ça vous a plu, touché, laissé indifférent, choqué? Vous avez des trucs, des phrases, des mots que vous n'avez pas compris, ou vous avez tout compris, ou des images qui vous restent? Vous étiez déjà allé au théâtre ou pas du tout? Non. C'est la première fois que vous voyez une pièce de théâtre? Ouais. Et est-ce que c'était à ce genre de choses-là que vous vous attendiez? Non. Non. Et vous y retournerez? Voir un autre. Voir autre chose. Allez-y, posez. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, même si vous voulez savoir pourquoi la table est jaune ou ma chemise est à carreaux. Il y a des réponses. Cette question, c'est des réponses. Il y a des réponses très bêtes, des fois. Non? Il y en a parmi vous qui a travaillé sur le texte Incendie. Est-ce que vous arrivez à faire des parallèles avec Qu'est-ce que t'as dit, pardon? Incendie? Ben alors, une petite anecdote. En fait, le John, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le spermatozoïde de Simon dans Incendie. C'est le même, en fait. C'est le même personnage. Il a la même langue, le même rapport avec sa famille, le même rythme dans la langue. Et il s'est beaucoup servi de ce qu'il avait fait sur John pour écrire, parce qu'il a écrit Incendie après John, pour écrire le personnage de Simon. Et il se trouve aussi que j'ai joué Incendie avec le même metteur en scène que je faisais Simon. C'est pour ça qu'il m'a proposé John. Et c'est pour ça que quand vous relisez Simon, vous verrez qu'ils sont, pour aller utiliser un mot gros de théâtre, dans la psychologie plus ou moins très proches. Ils sont très très proches. Bon, Simon ne veut pas se suicider, mais dans le cri, dans la colère, dans l'espèce de couteau planté dans la gorge, qui plante des phrases qui est dans les deux textes. Donc voilà, ils sont très très proches. La question du père, de la mère, voilà, tout ça. Ça, c'est des thématiques qu'on retrouve tout le temps avec Wajdi, mais c'est sur des histoires de langue. Il n'y a pas de... Je veux juste vous demander, oui. quelle est votre technique des larmes? Comment vous faites? Il y a un tuyau qui est directement entre les lèvres. Non, je pleure. C'est de la... C'est le métier au bon moment, oui. Mais après, c'est... Quand c'est que j'ai dans mon cheveu? Non. En tous les cas, au premier rang, on voit bien que c'est des larmes des yeux, pas des cheveux. Il y a un peu de sueur aussi, je pense, des fois. De mort aussi. Je me mouche comme ça, là, j'ai fait aujourd'hui. Comme les ados. Attends, j'ai des mouchoirs dans ma veste, mais je suis là. Les ados, ils déposent leur crêpe de nez sur les rampes d'escalier. Ça aussi. Non, autre question, mais en fait, plus par rapport aux mots qu'on trouve et aux mots qu'on trouve pas, en fait, je trouve que c'est... En fait, il est pas très lettré, en fait, ce personnage. Alors, il est pas très... C'est pas un intellectuel. Mais parfois, enfin, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, en fait. Et l'auteur, il essaye de trouver toujours les mots qu'on trouve, les mots qu'on trouve pas. Il les trouve pas en général quand il est en colère. Mais parfois, on le trouve vachement précis dans ses descriptions. Je trouve à la fois, parfois c'est dans l'écriture, j'entends. Parfois c'est réussi et parfois c'est un peu raté. Enfin, on va dire que le personnage, on le trouve vachement élaboré parfois. Par rapport à certains moments où, si j'aurais su écrire, on est sur une base assez réduite du vocabulaire. Quoi. C'est vrai qu'il jongle avec un truc. Il dit dès le début, je fais une vidéo parce que je ne sais pas écrire. Bah, ouais. Et puis parfois, ça. On le trouve très précis et très élaboré dans son vocabulaire. Je trouve parfois qu'il va un petit peu au-delà. De la. En fait, quand il dit comme un manteau confortable, la capacité d'expression. Sur toi en plein hiver, voilà. Tu fais ok, le mec, il est poète. Il y en a des comme ça qui sont plus durs à faire passer. Mais ce qui est étonnant, c'est que ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais on peut trouver ça, cette sensibilité-là, en fait, chez les gens qui ont des difficultés à s'exprimer, et surtout dans le mal-être. Et ils peuvent parfois ressentir des choses comme ça. Mais pas les exprimer, alors... Il y a un endroit où il me semble que ça marche très bien, c'est tout le moment de les animaux morts sur la route. Ouais, ça devient complètement poétique. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est pas fait par-dessus. C'est vraiment un moment où il décrit un paysage apocalyptique de sa colère qui est réel, qui parle de sa mort. Et du coup, ça devient poétique. Et là, je trouve que c'est un moment réussi dans l'écriture. Où du coup, la colère de John est transfigurée un peu. À ce moment-là, il y en a vraiment un paysage. Plein d'autres moments, mais sur l'endroit où le texte, quand on le lit, on se dit qu'il est vraiment poétique. Mais en fait, quand il est incarné, il est tout à fait possible pour ce personnage-là. Après, c'est vrai qu'il y en a comme le manteau confortable qu'un ange. On voit bien les deux exemples, merci. Par rapport à la langue, Québécois. Ah oui. Il y avait un peu peur au début, on n'avait pas vu quand on s'est vu lundi, sur la langue utilisée. Vous aviez tout de suite compris que c'était du québécois. Est-ce que vous avez tout compris ? Oui, après, j'ai vraiment envie de. Des moments, c'est bon. Des moments, parfois pas trop ? Ouais, des mots. Non. Des mots ? Calice, Chris, Austin, il y a un arnaque. Ouais, c'est le copain de la mer, c'est quoi ? La blanche, c'est bien. Chum. Chum. Chum. E-U-M. C'est la boule. C'est mon. Pas mal. C'est le beau-père de John. C'est le mec. C'est le beau-père. Oui, c'est le mec, oui. Hostie, c'est le truc à l'église. Bah, effectivement, toutes les insultes. Moi, je savais pas toutes les insultes, Chris, Hostie, Tabernacle et tout ça. C'est vraiment des insultes. De Dieu. C'est l'hostie, comme l'hostie. C'est que des références religieuses, mais sauf que là-bas c'est vraiment putain, fais chier, bordel. Mais ça a plus de valeur là-bas. Nous on a arrêté, c'est vraiment le vieux ou le bon vieux. Enfin, les jeunes, par contre, là-bas les jeunes ils se disent t'es un hostie, et ils sont pas contents. Ouais, curieux. Calice, Chris, hostie, enfin, ça a la même valeur que putain, merde, fais chier, bordel. En gros, les quatre, c'est ça. Ça ponctue, on s'en sert quand on est en colère. À quoi ressemble le travail avec les Français ? Finalement, il y a effectivement deux scènes, deux personnages chaque fois. Il n'y a pas à vraiment coopérer entre deux comédiens. Le travail avec un metteur en scène, c'est sur quoi finalement ? Comment ça s'est passé ? Là, c'est très particulier parce que c'est deux seuls en scène en fait. On ne partage pas la scène ensemble. Le spectacle s'est créé d'une manière assez jolie. C'est pas Margot qui a créé le rôle de Nelly, c'est une autre actrice. Qui était en fait l'assistante et qui était aussi ma sœur quand on jouait Incendie. Voilà. Et là, sur ce spectacle, elle était assistante. Au début, c'était que John, puis après, il y a eu Nelly qui est arrivée, et puis le metteur en scène, Stanislas Nordy, elle a dit tu faisais sa sœur dans Incendie, tu faisais sa sœur dans John. Et en fait, comme elle était assistante et Stanislas Nordy n'était pas forcément tout le temps disponible sur la répétition, c'est elle qui me regardait travailler. Donc, ça s'asseyait là au premier rang, mais en fait ça s'est resté aussi. Et du coup, on se regardait travailler en fait tous les deux. Et puis, on travaillait aussi avec Claire Ingrid Codanso, qui est la collaboratrice artistique de Stanislas Nordé, sur toutes les histoires d'émotions. Et Stanislas Nordé, lui, il était plus dans les histoires de structure. Il a structuré, par exemple, c'est très con, hein, mais le texte il est en vert, et puis des fois il y a trois petits points, une ligne vide avec juste trois petits points, et ça c'est tous les regards de côté. Chaque fois qu'il y a trois petits points, je regarde de côté, puis du texte, je regarde dernière, hop, trois petits points, tac, tac, tac. Il y a une chorégraphie comme ça, tac, tac, tac. Et ça en fait c'est tout, c'est structuré. La toile, la taille de la toile, les éléments, après il y a des grosses structures aussi émotionnelles, où il disait il faut qu'à la fin quand même ça monte très fort, et c'est aussi c'est le metteur en scène qui met ça, mais c'est plus... il fait confiance beaucoup là pour ce texte-là, qui est, en plus c'est du Walt Disney White qui écrit pour les comédiens. Il fait confiance aux comédiens et après il ajuste comme ça des petites choses. Il a tendance à travailler comme ça où on fait des traversées et après les traversées, il fait ce qu'on appelle des notes en disant plus, il faut que ça soit plus excessif, il faut que ça soit plus émouvant. Là, tel mot, je ne l'ai pas entendu. Là, je trouve que ça serait bien que tu sois plus rapide. Et là, prends plus de temps. Voilà, nous, on fait une petite place dans notre coin, on voit ce machin, on lui repropose une autre traversée. Et puis, petit à petit, enfin, c'est comme ça que ça se construit, en fait. Et puis c'est comme ça que lui, il travaille. Et le metteur en scène, ils peuvent travailler de différentes manières. Des fois, c'est vraiment à la dentelle où il nous demande de... Alors que lui, il nous fait plutôt confiance sur des rapports d'élan. Et après, c'est à nous de ciseler à l'intérieur, dedans. Et souvent, il identifie dans ce qu'on appelle un filage. C'est comme une représentation, mais juste avec l'équipe des gens qui travaillent, quand on fait toute la pièce. Il identifie un endroit dans la pièce. Il dit là, c'est, il dit là, t'étais au bon endroit de travail. Et il dit, si tu me fais toute la pièce à cet endroit-là de travail, et nous, on est censé savoir de quoi, censé savoir ce qu'on a fait. Par exemple, là, sur John, moi, il faut que je sois très seul à l'intérieur. Enfin, je peux, comment dire, c'est-à-dire que je vous êtes là, mais je ne vous prends pas en compte. Il faut que je sois le plus seul possible. Et ça, c'est un truc, ça se travaille, en fait. C'est-à-dire que si je suis là, je suis complètement avec vous et je vous adresse. Et après, il y a être là devant vous, mais je mets un quatrième mur par ma solitude. Voilà, ça, c'est des rapports aussi qu'on travaille plus ou moins intensément. C'est facilité par rapport à la caméra. Et puis, il y a la caméra aussi qui aide. Alors, c'est pas que le texte est puissant, hein, parce que là, à la base, c'est vraiment le texte puissant, vous le servez parfaitement. C'est vrai qu'on n'en sort pas indemne. Moi, j'aimerais bien entendre un peu les jeunes, est-ce que ça vous a plu, comment vous sortez, est-ce que vous êtes bien, mal, est-ce que quelque part. Enfin, oui, on a aimé. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette pièce? Là, je voudrais un bon compas parce que dans deux minutes, on doit partir, donc c'est le moment où on était un peu à voir notre sentiment. Oui, on a aimé. Vous avez aimé ce qui t'a trouvé, t'arriveras à dire ce qui t'a plu? Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est bien joué plutôt. Les émotions sont bien présentées. Il y a de l'émotion, ouais. Oui, c'est clair. Ouais, c'est... À quel moment il y a des choses plus particulières? C'est quand il a du mal à montrer ses émotions, là, quand il dit il a du mal à dire père ou mère, je crois. Que par ça sort pas. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un peu de fierté. Ouais. Après, c'est pas évident d'exprimer ces émotions, il faut pas les forcer non plus. On n'est pas obligé de mettre tout le temps des mots sur ce qu'on sent. On va devoir partir déjà. Il y a des choses qui vont cheminer, traverser. Ils ont parlé entre eux. Ça reste dans vos cœurs entre eux, certainement. Le décor. Le décor. S'il vous plaît, les adultes, les ados sont très calmes derrière, mais. Oui. Le décor, c'est une référence à Van Gogh. Eh ben, on va appeler Vincent et puis Van Gogh. Non. Vous avez 106. Merci bien. Au revoir. Merci. Ah, merci. Vous avez été super à l'écoute pendant la reprise. Merci, ouais. C'était très agréable. moi et j'espère pour vous même. Michi, Michi. Merci. Michi. Oui, grave. Je croyais que c'était. Je pensais que c'était une aération parce qu'il faisait chaud sur le manteau. Ah bon. Là, ça va continuer un petit peu. Oui, ça tire pas la messe. 8h ou 8h30. Bon, attendez, ça s'est arrêté là. Oui, finalement. C'est en 97 le texte. Oui, mais il y a quel âge le texte? 8. Souvent, ces textes, ils se violent entre frères et sœurs. Ils avaient manqué. Ou la chose qu'on a de sa chose d'inspiration. Il nous a expliqué qu'en fait, il était en train de faire deux marches dans un coin pourri qui occupait un ami pour un projet. Et une grosse route comme ça, il a croisé un ado qui était tout habillé en noir et tout ça. Et pendant une heure, ils ont marché ensemble. Ouais. Et cette rencontre, après, l'a retardé. Mais tiens, ce mec, en fait, c'est quoi sa vie ouais. Parce que ça, des fois, il y a comme ça des rencontres où on est impressionné par... Si vous allez sur le site du TNS, sur le spectacle John, il y a cette vidéo. Il y a cette vidéo sur la colline, oui. Ah, ok. Donc ça a l'air quand même pas mal fictionné. Enfin, ouais, c'est vraiment d'avoir croisé le mal-être d'un ado qui l'a... Et d'ailleurs, on se pose la question, mais enfin, le personnage de Nelly Yamato, c'est vrai qu'à un moment donné, elle dit pourquoi tu t'es pas manifesté, mais en fait, c'est justement ce dont il se plaint. C'est qu'en fait. Il se plaint qu'il y a personne. Qu'il y a personne qui était attentif et qui soit allé vers lui, en fait, finalement. Et les autres se disent mais pourquoi t'es pas venu vers nous? Et oui. C'était pour ça, je pense, qu'il y ait l'autre point de vue. Ouais, de dire qu'en fait. Parce qu'il y a un moment donné où on peut croire que John, effectivement, il est harcelé par toute sa famille. Alors que. En fait, faut se dire sa mère, c'est pas non plus en fait. Enfin, c'est ce que lui pense. Personne ne l'entend quand même. Et ben personne ne l'entend. Non. Personne ne l'écoute, ne l'entend. C'est vrai que quand et ben personne ne l'entend, mais parce que peut-être qu'il parle pas. Oui. C'est ça qu'on comprend. C'est pas si simple en fait. Oui, non. Mais... Parce que. Il y a des crises, mais ça ne peut pas passer par les crises, il n'y a pas d'expression des autres. C'est vrai. Parce que, enfin, voilà. Cette Nelly, elle n'a jamais donné les mots. Ben oui, mais cette Nelly, elle fait partie de la même famille, elle a des mots. Enfin, oui, donc c'est pour ça aussi. C'est peut-être pas si simple, quoi. Voilà, c'était donc le débat sur John, et puis on reviendra encore après avec. Un entretien à la médiathèque du Thio avec Héloïse Erard qui nous présentait la pièce en prélude, enfin à l'avance. La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions et couche dans son lit. Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle est aidée. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse, sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe. C'est à ce moment-là que je perds la folie, que je reste seul avec mes yeux de fou. Léo Ferré sur dans la folie, c'est d'après ce tableau de Van Gogh, ce lit qui était évoqué en fait, qui était bien en décor là derrière. Alors précédemment, on avait écouté Héloïse Erard, qui est responsable relations publiques, voilà, relations publiques du culturel du peuple. C'est une jeune nouvelle, donc du théâtre, très très très très très fine, on va dire, voilà, qui était venue à la médiathèque. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau sonore. J'avais un magnéto imprévu. J'avais oublié, je passais à la médiathèque, j'avais oublié qu'il y avait cette présentation à la médiathèque du Tio. Bon, et j'ai pris au vol cette présentation avec le magnéto que j'avais. Est-ce que le son va être assez bon? Eh bien, c'est une expérience que nous allons faire. On va écouter, en plus j'avais coupé en deux parce que c'est assez long, et puis je ne retrouve pas mes deux versions. Donc on écoutera, où je couperai au milieu, avec un peu de musique, où je vous donnerai les 40 et quelques minutes de cet entretien, sans le couper, voilà. Vous êtes assez grand pour écouter sans la musique, hein. On dit que l'auditeur, il décroche dès qu'il n'y a pas... dès qu'il y a trop de paroles, pas trop de pensées, pas assez de musique. Ouais, sur les autres radios, mais Radio Grimozo ou France Culture... C'est-à-dire Radio Gomozo, Vosse Culture, surtout le vendredi soir ou d'autres moments d'ailleurs. Bon, on va tenter ça. Et si vous vous endormez, moi je pense pas, au contraire. Alors le problème, c'est le son. Là, je laisserai. C'est une expérience. Je laisserai si c'est assez fort. Voilà. Parce que j'ai un magnéto. Mais là, j'avais du Larsen, au fait. Oui, c'est pour ça que ça faisait un peu de la réverbération. Voilà, on y va. Et on va écouter. Donc, j'ai pris au vol, je suis arrivé, tac, j'ai mis mon yéto, j'ai pris... Il y avait notamment quatre interlocutrices que vous reconnaîtrez peut-être. Bon, on peut les nommer. Il y avait Maryse, la directrice de la médiathèque. Il y avait Maggie Louis, qui fait des ateliers d'écriture. Et qui est peintre aussi par ailleurs, mais surtout atelier d'écriture maintenant. Et il y avait Evelyne Saint-Dizier qui maintenant n'est plus dentiste à Saint-Maurice, mais qui est surtout actrice dans ma troupe d'ailleurs. Et puis aussi à Seine-Vosges, et puis aussi à Théâtre du Peuple, où on travaille avec elle donc, et d'autres, avec Simon Delétan tous les jeudis soirs. Dans une expérience dont je vous parlerai plus tard, qui est une expérience très pointue, un atelier d'un petit groupe d'anciens du théâtre, si je peux dire, où on travaille avec Simon, c'est très fin, mais j'en parlerai ultérieurement, c'est une expérience très limite, laboratoire de théâtre. Mais là, donc, écoutons Héloïse Erard. D'ailleurs, Héloïse fait partie de cet atelier aussi. C'est, je crois, la plus jeune, quand même, parce que les autres sont tous des seniors ou semi-seniors. Écoutons donc à la médiathèque du Tillot, c'était 8 jours avant la présentation de John, de Wajdi Mouad. Du vocabulaire plutôt soutenu. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui dans Corane, de ce qu'on propose à la fois en littérature ou au théâtre, qu'on n'hésite pas en fait à atteindre le beau en faisant. Étant peut-être plus cru aussi. En recourant à des choses parfois plus crues, plus banales. Plus, en cassant les procédés qu'on utilisait jusqu'à présent, quoi, en ne répondant pas forcément à la belle écriture telle qu'on entendait. Oui, tout à fait. Qui rime, qui. La poésie, c'est pas ça. C'est pas effectivement une écriture avec tant de pieds, tant de. Elle peut tout aussi bien exister dans ce genre de façon de dire. Et même dans des textes qui parlent de choses assez morbides, assez tristes et douloureuses. Alors, il y a des passages dans la pièce qui sont formulés par John, où on atteint ce fameux charme, cette beauté qui rejoint voilà, le côté poétique. Pour vous donner une citation, John dit à un moment donné « T'as pas de cœur au fond du cœur ». C'est une très jolie formule, en fait, elle fait mouche et elle nous touche, elle est assez simple. Et voilà, ça, à la fois ça exprime l'intensité d'un reproche, donc c'est une phrase qu'il adresse à sa mère. Voilà, et en même temps il construit comme ça quelque chose d'assez spontané, qui finalement est plutôt poétique, plutôt beau. Voilà, c'en est une parmi d'autres, mais il y a comme ça de jolies perles à un moment donné, au milieu du désordre, du brouhaha, de ce monologue, il y a comme ça des petites perles. Il y a une autre phrase qu'on pourrait aussi évoquer, c'est « Il restait plus rien que le bonheur assis avec moi ». Voilà. Alors dans cette phrase, en fait, il personnifie le bonheur. Le bonheur devient une personnalité, une personne qui est à ses côtés. On pourrait penser à Arthur Rimbaud qui, dans un de ses textes, avait fait le même effet de style. C'est donc dans une saison en enfer, dès les premières lignes de ce texte, Arthur Rimbaud écrivait « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injurée. » C'est les stylistiques. Donc on peut faire vraiment un parallèle entre ces deux auteurs. Voilà, c'est vraiment la personnification d'une notion abstraite, un concept qui est d'un côté le bonheur et de l'autre la beauté. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce texte de John, c'est qu'on retrouve vraiment des thématiques qu'il y a dans plusieurs des pièces de Wajdi Mouawad. Finalement, en fait, Wajdi Mouawad, dans beaucoup de ses textes, il a dressé des portraits d'adolescents, de jeunes gens, par exemple dans Incendie, dans Forêt. Dans Incendie, c'est l'histoire de ce duo, hein, ce frère et cette sœur, jumeaux, qui décident de partir à la recherche de leur identité, de retrouver les traces de leur mère et de leur père, surtout, à partir des éléments que leur mère a laissés. Leur père qui est ? Qui est leur frère. Qui est leur frère. Donc dans beaucoup de ses pièces, il a dressé comme ça des portraits d'adolescents. Et d'ailleurs, dans plusieurs des interviews de cet auteur, Wajdi Mouawad, il revient sur cette période de sa vie qui est l'adolescence, qui est un moment très important dans sa vie, et souvent il se confie. Et pour vous donner un extrait d'une interview qui l'exprime assez bien, Wajdi Mouawad dit « À 20 ans, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. À cet âge-là, vous n'avez absolument pas la structure mentale nécessaire pour être lucide face à ces questions. J'étais dans un aveuglement. Je n'étais que ballottée par les événements. La lecture a alors peut-être été ma seule bouée de sauvetage, du fait que j'y ai découvert un monde qui mettait des mots aux mots. » Alex. Donc c'est vraiment l'adolescence, c'est un sujet, une période de sa vie qui l'a beaucoup inspiré dans son écriture. C'est un sujet qui le touche profondément et qui vraiment nourrit son travail d'auteur. Alors on peut faire plusieurs parallèles entre John et d'autres pièces. Alors on a cité Incendie, Forêt, il y aurait aussi Un obus dans le cœur qui aborde des sujets comme la mort, la laideur du monde. Bah, littoral aussi. Littoral aussi, bah, c'est vrai. C'est plein de, de ces questionnements, quoi. Complètement. De filiation et de... De questions existentielles, bah, d'identité. Oui, et puis souvent dans ces pièces, il donne la parole à ces personnages qui, dans un même souffle, voilà, vraiment délivrent tout ce qu'ils ont sur le cœur, leur rapport au monde. Et d'ailleurs, Wajimawa dit plein de mots, plein de phrases dans la bouche pour couvrir la tempête de mon cerveau, de ma conscience, de mon esprit, mon âme, ou peu importe quoi d'autre qui est à l'intérieur. Donc pour lui, vraiment, c'est l'occasion de délivrer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui le tiraille. Alors, il y a aussi la thématique du suicide qui est centrale dans cette pièce et qui est évoquée dans d'autres de ses œuvres. Et puis, la présence de l'art. Aussi, on retrouve souvent ce sujet, la présence de l'art, le rôle de l'art. Et comment, finalement, l'art peut offrir une sorte de consolation, voire de résolution d'un problème. Dans John, c'est la musique qui va prendre ce rôle-là. Dans un des passages de la pièce, John raconte qu'il y a un moment où il a éprouvé un grand moment de bonheur, de plénitude, de douceur. C'est au moment du mariage de sa sœur où il a entendu les canons de Pachelbel. Et cette musique l'a bouleversé. Ça lui a offert un moment de douceur qui l'a marqué et il en parle. Mais c'est dans les fameux... dans la fameuse tirade, là, dont... Oui, je crois qu'on évoque ça. Le fameux canon de... Oui, oui, c'est vrai, il le raconte, mais je peux vous le lire. Dans oui, ce, là. Plaisir. Voilà. Donc, c'est un extrait dans la bouche de John. Quand Nelly s'est mariée, juste au début, quand Nelly et Robert sont rentrés ensemble dans l'église, la musique, il y a eu une musique, une belle musique. C'était une musique qui s'appelle « Les canons de Pachelbel ». Je sais pas, c'est bien. Je pense pas que c'était à cause de personne, pas à cause du mariage, ni à cause de rien, juste à cause de la musique. Comme un manteau confortable, qu'un ange vient de mettre sur moi. En plein hiver, il faisait bon, il faisait le bonheur. C'est resté un bout de temps. Tout devenait calme autour de moi. Tout. Les gens... les statues, les bougies. Il restait plus rien que le bonheur assis avec moi. De toute façon, c'est rien. Juste la musique. C'est quoi de la musique ? Faut être responsable. Et c'est à ce moment-là qu'il évoque le bonheur. Il ne restait rien que le bonheur assis à côté de moi. Voilà. C'est au moment où il entend cette musique qui n'a rien à voir avec le mariage, enfin, en tout cas, qui est là comme un cadeau. Ouais. Oui, comme un cadeau. C'est super. C'est très beau. L'art comme parfois une... L'art peut offrir une consolation, voire une résolution. Alors, un autre thème qu'on retrouve souvent dans les pièces de Mouawad, c'est la situation d'urgence existentielle. Mmh. On se retrouve souvent avec des personnages qui sont comme ça, au milieu, dans une quête identitaire, dans une urgence de trouver une résolution à leurs problèmes, et des problèmes existentiels. Vraiment des personnages en quête de sens. Il y a d'autres choses aussi, l'utilisation des gros mots. Alors, on le retrouve souvent dans les pièces de Mouawad, et dans une de ces pièces, un personnage l'explique. Il dit « Faut-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre ?» Peut-être. Peut-être. Des fois, ça défoule. En tout cas, il y en a, vous l'entendrez dans le spectacle, ou vous le verrez à la lecture du texte. Il y a beaucoup de gros mots. Mmh. Alors, comme c'est des gros mots dans un français québécois, pour nous, ils sont peut-être moins puissants. Wow, oui. Mais quand on connaît vraiment la signification, ils sont aussi lourds que nos bons gros mots français, francophones, phrases limitrophes. Les Québécois, ils aiment ça. Oui, oui. C'est le mot qu'on est d'employer, il est aussi bienvenu. Ils sont aussi lourds. vous n'avez pas dit, ils sont aussi grossiers, ils sont aussi lourds que. C'est beau. Oui. Ils sont aussi lourds que. C'est gros mot lourd. Alors, donc moi, Watt, c'est quand même appuyé sur plusieurs témoignages de suicidants, comme on les appelle. Et il y a quelque chose qui revient très souvent dans ces témoignages, c'est le besoin essentiel d'arriver à tuer quelque chose, en soi, seulement une partie de soi. Très souvent, quand des jeunes gens décident, ou des adultes décident de mettre fin à leur jour, quand ils pensent à cette issue, c'est pas qu'ils ont envie d'en finir avec eux-mêmes dans toute leur entièreté, mais très souvent, c'est des parties d'eux-mêmes qu'ils ont envie de supprimer. Et John le dit très justement dans un des passages de la pièce. C'est peut-être pas tout en moi qui doit mourir, tu sais. Il y a peut-être une affaire qui doit mourir, mais pas toute. Qu'est-ce que tu veux que qu'il meure en moi ? Qu'au fond, ce que je voulais, c'était que Jeanne meure en moi, que ma mère meure en moi, que mon père meure en moi, que ma frère meure en moi. Vous tuez vous autres en moi, ce serait l'affaire de toute une vie. Ce serait plus rapide, plus clean si je me tuais moi. Voilà, ce serait plus simple, voilà, de tuer toutes ces parties de là en se mettant à mort que de passer sa vie à essayer de haïr ses parents et de les supprimer progressivement. Voilà. Ça montre surtout la douleur que l'on peut éprouver et le mal-être que l'on peut éprouver à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il a une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Dans les têtes d'adolescents ou d'adultes au moment où, où effectivement on a envie de. Il a beaucoup travaillé sans doute, mais il a aussi eu sans doute toutes ces phases. Enfin, je ne parle pas de lui, hein, mais. Toutes ces phases où effectivement. On se dit, mais je continue ou pas. Oui, et en tout cas, je ne suis pas celui qu'on veut que je sois. Stop ou encore. Oui. Mais c'est fou, comme il le dit bien dans ce livre, quand tous les héros dont il s'est abreuvé, là, et dans lesquels il ne se retrouve pas. Et au moment de la métamorphose, de la lecture de la métamorphose, là, il se dit, mais oui, c'est ça aussi, c'est ce changement, et on ne peut jamais être le héros tel qu'on nous le décrit. Ça ne m'étonne pas que Kafka l'ait profondément touché. Ben, comme tous les ados ou les adultes qui ont eu la chance de lire, de se dire, ben, c'est ça, et c'est quelque chose qui atteint tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, les thématiques qui sont abordées dans cette pièce, il y a bien sûr l'adolescence qui est au centre de l'histoire de la pièce. Un autre extrait d'un témoignage de Wawa lui-même. Il part de sa propre expérience et il explique donc finalement l'adolescence, période aussi floue que cruciale, où débordant d'inspiration indicible, on est en plein danger. La société, la famille, tout le monde nous dit ce qu'il faut faire. Réussir à l'école, gagner sa vie, et à écouter ces phrases toutes faites que personne ne prend la peine de remettre en question, on risque tout simplement de rater sa vie en voulant réussir selon la manière imposée. Donc ça, c'est extrait d'un échange entre Wajdi Mouawad et Sylvain Diaz, qui est un enseignant-chercheur de l'Université de Strasbourg, qui avait invité en 2016-2017 Wajdi Mouawad en résidence à l'Université de Strasbourg. Voilà, et c'est Sylvain Diaz qui avait été invité l'été dernier au Théâtre du Peuple, puisqu'il a retranscrit tous ces échanges qu'il a eus avec Wajdi Mouawad dans un petit livre qui s'appelle « Conversation avec Wajdi Mouawad ». Et oui, voilà, Sylvain Diaz a fait son doctorat sur Wajdi Mouawad et ses œuvres, donc c'est quelqu'un qui parle très bien de son travail. Alors l'adolescence, traditionnellement, c'est la définition qu'on lui donne, c'est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. On sait quand ça commence, mais alors On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça s'arrête. Bah non. Est-ce que c'est l'entrée dans la vie active, le moment où on fonde une famille? Voilà. Mais ça doit être très différent d'un jeune à l'autre aussi, des situations à l'autre. Moi, j'ai un gamin qui rentre à 15 ans dans la vie active, ça l'a rendu beaucoup plus adulte. Un autre, au contraire, qui grandit beaucoup plus tardivement. Et je pense que les situations sont différentes d'une éducation à l'autre, d'un enfant à l'autre, d'un tempérament à l'autre. Et c'est pas... Puis adulte, qu'est-ce que c'est? Et puis adulte, oui, quand est-ce que ça commence? Et même quand tu dis quand on sait quand ça commence, je suis pas sûre. On ne sait pas vraiment quand ça commence aussi. Il y en a qui ont des adolescences très tardives aussi. Et cette expression, qui dit, il fait son adolescence à 30 ans. Oui, oui. Il fait sa crise d'adolescence à 40 ans. Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend. Mmh. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que quand on se dit adulte, c'est vrai qu'on comprend que des adolescents aient envie de, voilà, d'en finir quand ils voient à quel type d'adulte on a affaire, quoi. Être, devenir un adulte comme la plupart des adultes. Héloïse, toutes ces phrases toutes faites qu'on martèle jour après jour. C'est vrai. Des fois, c'est aussi ces phrases-là qui nous tiennent. Adulte. Oui, c'est vrai. Pas dérailler. Il faut un cadre aussi. À un moment donné, dans la pièce, John dit « Je savais pas, je pensais pas que la vie était si méchante ». Il y a vraiment de ça, la désillusion. Oui. Et puis c'est certain que dans son témoignage, on sent qu'il y a un manque de communication et puis surtout un manque d'amour qu'il n'a pas reçu de ses parents, qu'il a heureusement reçu de sa grande sœur Nelly, qui à la fin vient vraiment apporter de la lumière au bout du tunnel. Ça me fait penser un peu au chanteur Eddie de Preto. Ah oui. Oui, dans ses textes, c'est la chanson qu'il a fait sur sa mère, « Ta mère, ta mère, ta mère ». Oui, Eddie de Preto, oui, mais je ne connais pas cette chanson. Ta mère, est très extrêmement forte sur le désamour qu'il a sur sa mère. Ah oui. Il faut écouter les paroles. Ça met là, quoi. Ah oui. C'est du mariage de Nelly dont il est question quand il s'est posé. Nelly et Robert, oui. Oui, oui. Oui, c'est peut-être pas par hasard. Alors bon, donc Wajdi Mouawad, il explique aussi que tout adolescent doit affirmer son identité, hein, c'est une période cruciale, acquérir une forme d'autonomie en s'opposant. Alors oui, ça c'est intéressant. L'adolescent, donc à un moment donné, s'il veut acquérir son autonomie, parfois c'est par le fait de s'opposer de façon plus ou moins virulente à ses parents. Mais comme il s'est construit il s'est construit à partir de ses parents, qu'il y a une identification à ses parents, il y a une forme de violence finalement qui est faite à soi quand on décide d'aller à l'encontre de ses parents. Si on veut se mettre en confrontation avec ses parents, c'est une période où finalement, comme on s'est identifié à eux, c'est une forme de violence qu'on se fait à soi-même. Et si cette violence, elle s'exprime pas, finalement, elle se retourne contre nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe avec John. Il le dit à un moment donné, il dit « Vous crachez d'en face, je peux pas. Va cracher dans mienne. Je vais cracher dans mienne, puisqu'il faut bien que je crache. » Donc, il se rend compte qu'il voudrait vraiment... être dans la confrontation, enfin il est dans la confrontation avec ses parents, il voudrait finalement leur rendre toute la haine qu'il endure, mais comme il ne peut pas, finalement c'est à lui qui va se la faire, cette violence, qui va la produire. Ça, j'avais trouvé ça assez intéressant. L'importance de parler de ce thème-là au théâtre, c'est un thème dont on parle très peu au théâtre et puis finalement dans la société autant aujourd'hui. Autant on parle dans le court-métrage ou le cinéma. Dans le théâtre, très peu. C'est assez rare. Et c'est pourtant, d'après les statistiques, c'est un jeune sur 15 qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Et c'est la deuxième cause de décès chez les 16-25 ans. Après les accidents de la route. Un sujet vraiment de société. Et alors, par rapport au fait de mettre fin à ses jours, au meurtre de soi, Ça peut être interprété de différentes façons, mais y a le fait que finalement, décider de mettre fin à ses jours, parfois ça peut être une façon de prendre sa vie en main. Pour certaines personnes, je parle. Certains suicidants, des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, expliquent ça. Ils ont décidé de mettre fin à leurs jours parce qu'ils avaient décidé de prendre leur vie en main. Il y a un véritable paradoxe. C'est étonnant. Et parce que finalement, c'est il faut que je meure pour que ça change. Parce que comme c'est aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Mais d'ailleurs, l'expression que vous venez d'employer, c'est vraiment ça. C'est le meurtre de soi. Le meurtre c'est de soi. C'est-à-dire être soi-même le bourreau qui a... Enfin, le bourreau. Long, mais... Oui, le bourreau. Non, en tout cas, celui qui a en main la possibilité de le meurtre de soi. Le meurtre de soi. Peut-être, mais en tout cas, la main qui peut. Et donc, paradoxalement, c'est une façon de se réapproprier sa vie, en fait, de décider de sa mort. Bien sûr. Assez étonnant. Et alors, John, il raconte aussi dans ce texte que ce qu'il espère, c'est que finalement, cet événement, ça permette de réunir sa famille. Alors, il a cette réplique, mon suicide aura eu ça de bon, que ça vous a forcé de vous retrouver ensemble. Voilà, réunir un instant les siens, c'est peut-être aussi son objectif. Alors, la musique, on en a parlé, hein, elle joue un rôle important dans la vie de John. Et puis, on la retrouve souvent dans les textes de Wajim Wawel. Alors, cette musique, vous verrez, elle est concrète hein, dans le spectacle. Il y a sur scène un petit appareil audio qui peut diffuser de la musique. John en parle assez vite dans la pièce de cette expérience qu'il a fait, ce très beau moment de douceur, de bonheur qu'il a eu en écoutant cette musique. Et à la fin de son monologue, juste avant de partir, pour décider du meurtre de lui-même, il va enclencher cette musique, il va l'écouter quelques instants, et puis il va sortir hors champ pour passer à l'action. Voilà. Manteau confortable, voilà, la musique comme un manteau confortable, c'est très beau aussi ça. De porter comme un ange, le bonheur est une température, ben oui, puisqu'il dit il faisait bon. Voilà, comme si le bonheur avait réchauffé l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout devenait calme. Voilà. Et alors, c'est une idée qu'on retrouve, parce qu'à un moment donné, il dit « Je veux que le calme, je veux juste que le calme se fasse. » Donc, on sent que c'est bruyant, qu'il y a du tourment. Voilà, le tumulte, exactement. Et finalement, l'adolescence, c'est un tumulte. Et cette musique, elle lui permet de trouver ce calme. Voilà, donc finalement, c'est l'occasion de faire de faire théâtre de l'intime. Voilà, c'est une histoire assez intime. Et comment faire théâtre avec ça ? Ben, voilà, avec tout ce qu'on vient de se dire. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, en tant que spectatrice, hier soir, m'a sauté aux yeux, c'est que cette représentation, finalement, elle est le moyen de témoigner du paradoxe d'une solitude entourée. Puisque, en fait, John est face à cette caméra, seul, il s'adresse directement à la caméra, comme s'il s'adressait à ses proches. Et à un moment donné, il se dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi personne m'appelle? Pourquoi personne me répond? Et nous, en tant que spectateurs, on est tous là, et personne ne répond, personne n'agit. Donc voilà, c'est vraiment, finalement, une mise en abîme de ce paradoxe qu'on peut être à la fois... très entouré, mais se sentir seul, tellement seul, et qu'on peut à la fois entourer une personne sans voir combien elle a besoin de nous. Et la représentation théâtrale permet ça. Ça, c'est assez fort. Oui, c'est fort. C'est fort grâce à l'artifice théâtral. Nous, on est derrière sa caméra. Mais c'est toujours ça dans la vie, c'est que l'on soit parent, que l'on soit enfant, que... Ne pas sentir où est l'essentiel à donner en amour. Oui. La plupart des gens ne savent pas, ou est-ce que ça s'apprend? Je pense que oui, on devrait apprendre. Même au niveau des médecins, on voit bien que beaucoup ne savent pas où le soin réside vraiment, le premier soin. Le premier soin qui est déjà dans « je t'entends, je t'écoute, je te vois ». On sait pas trop faire ça chez les humains. Oui, mais là, on est dans un spectacle. On est spectateur et tout d'un coup, je sais pas, c'est un petit peu quelque chose qui... C'est hors du spectacle, tout d'un coup. On est pris dans la vie. Quoi. Une résonance immense, quoi, dans ce spectacle, parce qu'on est tous concernés. On est tous, ouais, comme ça, de toute façon. Oui, on doit remuer, conscient. Oui, c'est ça. Mais tant mieux si ça nous rend conscient de ça. Mm. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant et qu'est-ce que c'est que l'aimer. Et là, le théâtre, il remplit complètement sa fonction aussi, puisqu'il est le miroir de ce qu'on devrait faire, ou de ce qu'on fait, ou de ce qu'on ne fait pas, ou il nous renvoie... Maintenant, comme on est tous uniques, cette unicité qui fait qu'on se sent des fois seul ou qu'on se sent en groupe, c'est très compliqué. C'est le complexe de l'être humain, quoi, qui est à la fois unique et en même temps qui a besoin des autres. Et comme les autres, bah, eux aussi, ils sont uniques. Non, mais là, c'est cette complexité, je parlais de la fonction de ce qu'on voyait sur scène, effectivement. C'est... Il est seul, ça te renvoie à ta façon d'être à l'autre, d'être à ton enfant, sûr, ou d'être à ta mère, ou d'être à ton... Mais c'est complexe, quoi. C'est ça que je voulais dire. La complexité de l'être humain, quoi. Et comme parfois, c'est tellement complexe qu'on n'arrive pas à le dire avec des mots, c'est parfois le théâtre qui nous rend ce service de mieux nous le faire comprendre. Qui met vraiment les mots. Qui fixe les choses, quoi. Parce que des fois, c'est diffus, c'est pas... Qui les fixe. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une portée universelle, ce qui est dit là. Oui. Mm. Et puis, il y a, à la fin de cette pièce, il y a l'arrivée de Nelly, cette grande sœur qui est la seule personne... John Dick, c'est la seule personne, finalement, qui a été capable de lui apporter de l'amour. D'ailleurs, rares sont les moments où il prononce le mot « aimer » ou le mot « amour ». Et ces moments rares, c'est pour parler de sa sœur, de sa grande sœur. Et Nelly, elle apparaît debout, elle est frontale, elle est très sobre. Elle est blanchie de douleur, puisqu'on comprend qu'elle vient de découvrir la disparition de son frère. Et elle est vraiment dans un état un peu double. Elle est à la fois au milieu des larmes et en même temps, elle esquisse des sourires. Parce qu'il y a beaucoup de douleur, mais aussi de douceur dans ce qu'elle nous livre. Donc un court monologue de Nelly, où elle nous interpelle sur l'absence de son frère. Donc on comprend qu'il est allé jusqu'au bout, puisque comme l'action s'est passée hors champ, on n'est pas certain de ce qui s'est vraiment passé. Et c'est l'arrivée de Nelly qui nous le confirme. Là encore, c'est assez implicite, assez subtil. Voilà, et donc c'est la disparition définitive de son frère. Et donc elle est entre cette colère et en même temps cette douceur. Et puis la pièce se conclut sur une prévention, une bienveillance. Et elle porte un message majeur qui est celui de la patience. Et elle va dire ces mots, elle va dire « tout passe, la douleur passe ». Qu'est-ce que c'est important aussi ces derniers mots pour les adolescents ? Qui vont voir cette pièce, parce que nous on a vécu aussi un suicide, pas dans la famille, mais auprès d'amis, et c'est vrai que c'était vraiment important, d'autant plus que ça a été joué, enfin que ça a été mis en scène dans un lycée, là, donc au cœur de qu'on entende cela aussi, tout passe. Patience. Parce que... C'est la seule échappatoire, pour éviter... Mais en attendant que tout passe, voilà. C'est une période où on est tellement impatient aussi, où on est dans l'urgence. Oui, on veut que ça se résolve. Donc, le mot patience... Ah oui, il est dur. Là, c'est bien difficile. Hein. Oui. On ne peut pas toujours l'entendre, mais c'est sûr. Mais il ne peut l'être que dans l'entourage. C'est à ce moment-là que la famille doit. Bah, elle doit, mais. Enfin, ce n'est pas facile. Pour ressentir ce moment où il a tellement besoin de palper, de pas de faux semblant, quoi, enfin pas de faire semblant, quoi. Parce que c'est ça qui le trouble aussi, lui. Il ne voit rien à quoi s'accrocher, quoi. Mm-hmm. Et en tout cas pas cet amour dont on lui a rabattu les oreilles, quoi. Non. À part cette sœur qui est. Il y a une déception amoureuse aussi. Qui fait. Voilà, c'est pas le vecteur majeur, mais le facteur majeur, mais ça en fait partie, ça, une déception amoureuse. Bien sûr. Et qui le blesse encore plus, puisque sa mère lui dit finalement tu l'as bien mérité, ta petite amie, elle est bien mieux avec ton frère. Donc il y a aussi quelque chose de très douloureux là-dedans, puisque. En plus, il parle justement de la relation qu'il avait avec cette petite amie qu'il cite, hein, elle s'appelle Jen. Et il se rend compte qu'il n'a pas été capable de lui dire je t'aime. Il le dit sans le dire. Il dit j'ai pas été capable de lui dire. Je lui ai pas dit. Elle m'a demandé si je l'ai. Mais je lui ai dit oui, mais je lui ai pas dit. Et en fait, tu te rends compte que, en tant que spectateur, que si tu veux être capable d'aimer, il faut avoir toi-même été aimé. Voilà, donc ça c'était toutes ces choses dont je voulais vous parler, qui montrent vraiment les caractéristiques du texte et ses qualités. Et Wajdi Mouawad, pour resituer, c'est un grand auteur, c'est une personne qui s'est constituée en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste, entre trois pays, la France, le Québec et le Liban. Il est originaire du Liban, qu'il a dû fuir pendant la guerre civile avec ses parents, ils se sont réfugiés en France. Et comme la France ne pouvait pas leur offrir une véritable terre d'accueil, ils ont rejoint le Québec, qui leur a offert une nationalité, une nouvelle nationalité. Et Mouawad, il se revendique comme auteur. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'il est à la fois comédien, scénographe, il est auteur puisqu'il écrit, metteur en scène, il est plasticien, cinéaste, voilà, dramaturge, beaucoup de choses. Mais lui, il se revendique avant tout comme un auteur. Il dit rien qu'auteur, même si j'écris avec des moyens différents. Donc pour lui, qu'on fasse des arts plastiques, de la scénographie, du jeu, on est avant tout un auteur, l'auteur de quelque chose. Et donc il a mis en scène à la fois ses propres textes, mais aussi d'autres grands textes, sûrement qui sont des inspirations dans le livre que vous lisiez tout à l'heure. Voilà. Il a mis en scène des auteurs comme Shakespeare, Cervantes, Pirandello, Tchekhov ou Sophocle aussi, surtout Sophocle. Et aujourd'hui, il est donc le directeur du Théâtre National de la Colline à Paris, et ça depuis 2016. Et Stanislas Nordet, alors lui est comédien, metteur en scène, il dirige depuis 2014 le Théâtre National de Strasbourg. Il s'est formé au conservatoire, il a monté à la fois des textes vraiment d'une grande force, mais il a aussi fait des mises en scène à l'opéra. Et alors lui, il est reconnu pour avoir une direction d'acteur de haut vol. C'est un des meilleurs directeurs d'acteurs, paraît-il, aujourd'hui. Les caractéristiques de son théâtre, c'est vraiment un théâtre d'adresse où le corps tout entier est voué à la parole. Voilà. Pour caractériser son travail. Et il jouait dans Tarkovski. Oui, en effet. C'était le rôle principal, non? Oui, non, il jouait Tarkovski. Tarkovski, le corps du poète, c'est la dernière création que Simon de Létan a faite avant de prendre ses fonctions au Théâtre du Peuple. Ah oui, à Strasbourg. On l'a vu à Strasbourg. Vous l'avez vu, oui. Et donc c'est d'après Tarkovski, le cinéaste, et Stanislas Nordet jouait le rôle principal, il jouait Tarkovski. C'est un spectacle. Il y a un très bel article au Télérama là, sur Nordet. Quelqu'un me l'a dit. Mais il parle du rapport à son père aussi, dont il a été très éloigné pendant des années, et la disparition de sa mère l'a rapproché de son père. Oui, c'est ça. Ouais. Il est très inspiré aussi par le cinéaste Pasolini. C'est ça, c'est un bon. Mais oui, j'ai pas encore vu l'article, mais apparemment il y a une très belle interview. Ça donne envie de le rencontrer, c'est vrai que vraiment. Puis comme il aime être acteur aussi. Hein. Oui, oui. Oui. Il se définit comme le technicien de la. Oui, il est vraiment. c'est vraiment intéressant de lire son article, hein, cet article sur lui là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Quelle chance d'accueillir ça à Bussan. Grande chance. Pour ceux qui pourront y aller, qui ne sont pas pris trop tard, bah, c'est notre comme moi. Aussi, hein, je veux dire. Et nous, pas fait... On va te trouver une petite place. Ah, j'espère. J'aimerais bien. Je suis enregistrée maintenant, donc oui. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Tant que j'y suis, moi je suis arrivé en retard, parce que je n'avais même pas réalisé, quand j'ai vu la voiture de Maggie, j'avais pas réalisé que... Je ne m'en rappelais plus. Donc, mais j'ai capté une bonne partie. Ah oui, tu aurais dû me le dire. Parce que, mais moi c'est une question, c'est plutôt une réflexion générale qui me vient. Et je vais, par rapport au contenu de la pièce, que j'espère voir, de toute façon, deux, trois réflexions qui me viennent par rapport à Bussan. Hein. Alors, d'une part, c'était Frédéric Potcher, quand je l'ai interrogé pour ce livre que j'ai fait avec lui, qui est paru en 95, voilà, au centenaire, et il disait, oh, mon oncle, il aimait bien que tout finisse bien, Maurice. Il n'y avait que l'héritage, une pièce de 1899, je crois, où ça se fait un drame épouvantable dans la montagne, un incendie, un meurtre aussi, et il dit, on ne me parle pas de cette pièce-là, ça finit mal, disait Maurice Potcher, d'après Frédéric. Alors, ça, c'est un éclairage. Maurice Potcher, fallait que ça finisse bien, bon, d'une part, et d'autre part, quand j'étais au CA du Théâtre du Peuple, j'avais interrogé Michel Bataillon, qui maintenant était un des sages remplacé par Ubafka. Donc, je me posais la question sur la finalité le message du théâtre, du peuple. Et il me dit, notamment sur l'optimisme. Et il me dit, oh, il n'y a pas une seule pièce, il connaissait bien Michel Bataillon, tout le théâtre contemporain, il n'y a pas une seule pièce à l'actuelle qui finisse bien. Alors, je dirais que, d'une certaine façon, on est, alors c'est un désir, et c'est une constante du théâtre actuel, d'être relativement sombre, dans le premier temps, parce que si on dit que tout passe, effectivement. Alors, voilà, simplement, je posais ça par rapport à une réflexion qui me vient. Je ne dis pas qu'il faut revenir à Maurice Potcher intégralement, encore que parfois. Mais voilà, c'est par rapport à ce théâtre dont Simon, notamment, Simon se veut très dans la suite de Maurice Potcher. Et c'est pour ça que je pose la question, voilà, par rapport à ce type de pièce un peu sombre quand même, et d'autres aussi. Comment le spectateur peut ressortir de là avec envie de vivre, voilà. Voilà, je pose la question et je pense que peut-être que ça peut donner envie de vivre aussi. Mm-hmm. C'est ça le questionnement que j'ai. Et pas de s'enfoncer dans le désespoir. Parce que, voilà, c'est un sujet très hard quand même. Voilà, voilà, je pose la question, je sais pas. Mm-hmm. C'est pour ça que l'arrivée de Nelly, là, oui. qui ne dit pas, sûrement, qui ne s'attarde pas, mais qui délivre ce message, c'est important, t'as vu? Oui, oui, c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit, ça me fait penser justement à ce geste, cette ouverture sur quelque chose qui torte de la tête, une sorte de la tête du malheur, du constat de finalement, tout est mort, mais non, quand même. Elle a été jouée à Saint-Dié, cette pièce. Est-ce qu'on a eu des réactions d'adolescents rapport à. Alors, il y en a eu, mais je ne les ai pas entendues. En fait, il y avait des adolescents, c'était des lycéens de première terminale qui étaient dans la salle, qui avaient fait des ateliers avec les deux comédiens. Ils ont été très bien préparés, puisque les comédiens eux-mêmes sont venus faire des ateliers avec eux. Ils leur ont demandé, un des exercices demandés, c'était d'écrire un texte à quelqu'un de leur entourage, à un proche, pour lui dire au revoir. Voilà. Alors ça pourrait être au revoir parce qu'on part en vacances, au revoir parce qu'on déménage. Voilà. Mais en tout cas, voilà, expliquer à quelqu'un dont on est proche qu'on s'en va. Ça, c'est un des exemples d'exercices qu'ils ont donné à faire. Et après la représentation, les lycéens se sont retrouvés dans le hall avec le comédien. Ils ont échangé, mais je ne me suis pas immiscée, donc je n'ai pas entendu leurs échanges. Mais à Bussan, il y aura vendredi des lycéens de la Bresse qui vont venir voir le spectacle, qui seront préparés par Clélie, qui est ma collègue et qui passera dans les classes pour leur parler, les préparer finalement avant ce spectacle. Et à l'issue de la représentation, il y aura une rencontre avec les deux comédiens pour pouvoir échanger, donner ses impressions, avoir des éclairages. Donc les réactions là d'adolescents, je n'en ai pas à vous transmettre, mais j'imagine qu'elles ont été multiples. Vendredi 1er février, il y aura un échange après le... Oui, c'est systématique, vendredi et samedi. Ah d'accord, très bien. Écoutez, bon, en tout cas, on vous remercie parce que nous n'étions que quatre et vous avez pris ce temps pour nous faire découvrir ou... Et, ben, et donner envie, surtout donner envie de... Et même si on n'y va pas, le fait que vous nous ayez permis d'entrer aussi sensiblement et aussi intelligemment, même si on n'y va pas, c'est un beau cadeau que vous nous avez fait. Appréhender et l'auteur et le temps que vous avez pris. Merci beaucoup. Après, on peut boire un petit jus de fruits si vous voulez. Voilà, voilà, c'était donc entretien à la médiathèque du Tio. Je ne l'ai pas coupé, comme je vous ai dit, parce que je vous avais préparé une coupure avec de la musique au milieu. Manque de pause et, ou manque de temps. Je n'ai pas fait. J'ai pas eu cette version-là. Donc, vous avez eu tout d'un seul coup. Bravo si vous avez écouté. Merci et voilà. En tout cas, c'était bien profond. Et Héloïse qui nous parlait, Héloïse Erard qui nous parlait de tout ce qui est, toute cette présentation en profondeur de la pièce de Wajdi Mourad, dont on a eu quelques extraits tout à l'heure. Bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. J'ai mis de la musique sur cette poésie de Rimbaud parce que moi, quand j'avais 17 ans, on m'obligeait à être sérieux. C'était un sale temps. Hein. C'était pas le Moyen-Âge, c'était bien plus haut que ça. Et j'ai mon fils qui a 17 ans, maintenant qu'il va avoir 18 ans. Alors c'est pour lui que j'ai fait cette chanson. Que j'ai écrit la musique. On n'est pas sérieux. Quand on a 17 ans, un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans ces bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. La ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser la sève du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous commandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Un peu avant 17 ans, ce sont les ados de 13, 14 ans, 12. Et bah tiens, on va les écouter un petit peu. Je les ai enregistrés à mes souhaits, au vôtre aussi. Je les ai enregistrés à Contrexéville. Alors, c'est un prémisse de ce qu'on écoutera, les actions slam. Qu'on fera bientôt, qu'on passera dans une émission de radio qui s'appellera Beau les cœurs. L'an dernier, je vous ai fait écouter ça récemment. On a eu une action slam avec 5 émissions qui ont été enregistrées avec des slams, notamment de Contrexéville, du collège de Contrexéville et du lycée de Bruyères. Et on est avec Lou, avec Michael, avec Stéphanelli, avec Michael Neigelen, avec Stéphanelli, avec Lou donc de la radio, et avec aussi Dominique. On a enregistré et Marion également a présenté tout ça. On a enregistré une série de ces poèmes et ça a été diffusé sur les au moins 3 radios, on va dire Radio des Ballons, Radio Gémozo bien sûr, et Résonance FM, et puis envoyé aux autres radios, et là on va aux autres radios de la coordination des radios libres qui inclut Radio Cristal, maintenant Radio Cristal a une antenne à Vittel depuis peu, ce qui nous intéressera aussi, RCM, Radio Canal Myrtille, là-haut, vers le nord-est des Vosges, et également Radio Bellevue, là-haut, on voit les coins là. Cocktail FM, je ne sais pas s'ils l'ont diffusé, enfin bon, on l'aura envoyé. En tout cas, ça a été une série d'émissions de la coordination des radios, des Vosges, Radio Libre, et des radios vosgiennes. Et donc là, on va recommencer avec le collège de Contrex, que vous allez écouter, le collège du Thiot, bientôt, le lycée des Bruyères, d'autres sans doute, et puis des EHPAD, on va essayer d'associer des EHPAD, des anciens, puis d'autres qui voudront, dans une action, une série d'émissions, qui commencera bientôt. Mais là, en prémisse, je vais vous faire écouter un atelier slam que j'ai... Enfin, c'est simili-slam, c'est peut-être pas du slam intégral, mais c'est ce que j'ai enregistré à Contrexéville ces jours-ci, voilà, avant-hier.

passer tout de suite à l'expression du collège du Thio. Alors là, on a la radio du collège, ça passe sur Radio des Ballons, en fait, Radio Collège sur Radio des Ballons, mais bon, bah, vous allez écouter ce qu'on a enregistré, c'est hier, sur les lectures des jeunes. Vous verrez que c'est très intéressant. C'est donc trois jeunes qui étaient là, Amélie, Noah et Romain. Allez, on y va. Ici Radio des Collèges sur Radio des Ballons. Aujourd'hui, nous allons présenter les livres de nos générations. Donc, les livres que nos parents nous lisaient quand on était plus petits et les livres qu'on a commencé à lire en devenant plus grand. Et voilà. Donc. Écoutez, on y va. Vous êtes donc trois aujourd'hui au club. Et vas-y, Noah. Déjà, quand on était petits, nos parents ils nous faisaient vraiment beaucoup de contes et aussi des livres comme ça. Donc, Romain, tu. Oui. Un livre que j'aimais bien quand j'étais tout petit, c'était un livre sur les formes et couleurs. Donc, j'aimais bien regarder ça. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien regarder aussi Tchoupi. Et Tchoupi en base. Livre, moi, j'aimais bien. Petit comment, c'est-à-dire Quand j'étais vraiment petit. Vraiment petit. Parce que on a vu, il y avait des trucs de cadeaux, quand j'étais tout petit, voilà, regardais ça. On achetait souvent les livres. Alors, dis-moi. Souvent avec les livres, il y avait des cadeaux. Donc parfois, en fait, on achetait les livres et puis on avait le cadeau. Et souvent, quand on était petit, il y avait des magazines dans les librairies où il y avait des cadeaux avec. Oui, donc oui. En fait, moi j'achetais juste le livre juste pour le cadeau. Et je lisais pas le livre. Et toi, Amélie, c'est... Oui, donc moi c'est un peu pareil aussi, mais moi quand j'avais deux ou trois ans vers là, ma mère elle m'apprenait à dire les mots comme pomme, etc. Et il avait un livre avec un truc un peu. Mais sinon j'ai pas trop de souvenirs des livres d'apprentissage tels que les livres pour dire les mots et tout. Moi j'ai plus des souvenirs des contes qu'on me racontait, par exemple Azur et Asmar. Mère elle me l'a lu et mes grands-parents me l'ont lu des dizaines de fois, on va dire. Et puis il y avait aussi les contes de Grimm et beaucoup d'autres de contes qui étaient recueillis dans certains livres et puis je les lisais et voilà. Mais moi c'est souvent des contes assez vieux parce que je n'aimais pas trop lire les nouveaux contes, Dorothée et tout ça. Oui, les contes donc. Les contes, il y a les classiques, Trois petits cochons, Le petit chaperon rouge, et plein d'autres. Oui, ça, moi j'avais ça déjà, c'est vieux. Hein. Donc moi j'avais, en fait ma mère elle m'avait acheté des livres, donc un peu comme Trois petits cochons, etc. Mais elle avait aussi acheté en dessin animé. Ah oui. Et donc, en fait, Azur et Asmar, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Tu connais ? Non. Ah, ça aussi, ça me dit quelque chose. Je crois que, oui, je... Pour faire un résumé, c'est trois frères qui vivent en arrière... deux frères, excusez-moi. Enfin, c'est pas vraiment des frères, c'est plus des amis, mais ils ont été élevés par la même mère. Parce qu'en fait, voilà. Donc, Azur, c'est l'enfant riche d'un père très très riche. Il n'a pas de mère. Et puis Asmar, c'est l'enfant pauvre de la nourrice à Azur. Et après, ils vont commencer à devoir, quand ils vont devenir grands, ils vont commencer à devoir sauver on appelle ça des djinns. Oui, ça ressemble au mot djinn, voilà. Mais en fait, ça veut dire elfe ou démon en arabe, je crois. Et donc, voilà. Et puis après, il y a toute une aventure sur ça. Il y a le livre et il y a le DVD. Et c'était des bandes dessinées ? Non, c'était un conte, c'était... Il y avait des dessins avec, mais bon. Oui. Donc, moi, je m'en rappelle, alors là, c'était des collections qu'on appelait Rouge et Or. Alors, il y avait des tas de bouquins comme ça qu'on avait quand j'étais petit. Alors, moi, c'est une autre période, il y a très longtemps. Par rapport à la télé, vous êtes aussi livre quand même En fait, avec la télé, on regardait aussi beaucoup de dessins animés. En fait, les dessins animés, quand on était petit, c'était souvent les dessins animés avec des marionnettes, des trucs comme ça, non? Ouais, bah en fait, moi, c'était un peu Dora. Dora l'exploratrice. Moi, je supportais pas. Oui, ce que les Muppet Show, c'était mon père qui voulait me montrer ça quand j'étais petit. Et à la médiathèque, il y avait le best-of. Donc moi, j'avais pu voir ça. Et c'est vrai que c'est bien fait et tout. Ah oui. Moi, je regardais des contes asiatiques. En fait, ce sont des ombres chinoises mises en forme de contes. Je regardais aussi, en fait, vu que j'aimais pas beaucoup les dessins animés, quand on était petit, j'aimais pas les dessins animés qui passaient à la télé. J'ai demandé à mon père qu'il me trouve tous les dessins animés de leur époque, Heidi, tout ça. Et puis je regardais ça. Moi, j'aimais pas regarder les autres. Je trouvais que j'aimais pas. Ah oui, donc c'était vraiment les périodes plus anciennes de vos parents. Oui. Je sais pas, moi, par exemple, moi, c'est mes enfants, même, qui ont 40 et quelques. Eux, c'était Albator, c'était Capitaine Flamme, Il y a un film, je crois, c'est... je m'en souviens plus du nom. C'est Robot de Noé, quelque chose comme ça. Oui. On rappelle plus. Bioman aussi. Ah, Bioman, oui. Bioman, je connais le nom, mais je sais plus trop c'est quoi. Les Cités d'Or. Les Cités d'Or. C'est ça, oui. Oui, ils ont refait une nouvelle saison des Cités d'Or. Moi, je préfère l'ancienne. L'original, c'est la mieux. Mais quand vous étiez donc plus petit, mais même maintenant, on va parler, hein, quand vous étiez plus petit, quelle était la part de la lecture et la part du film, la part de la télé ou des vidéos, hein? Qu'est-ce que vous avez plus... Vous étiez plus petit bouquin ou... support audiovisuel, on va dire. Je suis plus petit bouquin. Ah oui. Je suis toujours petit bouquin et je suis toujours resté petit bouquin. Oui. Moi en fait j'étais les deux. Moi j'aimais pas trop lire les petits livres où il y avait beaucoup d'écriture. Je lisais vraiment les énormes contes où il y avait beaucoup d'images, où c'était facile à lire. Je lisais ça, et puis c'était pas les contes d'aujourd'hui, où il y a encore, réponses et tout ça. C'était vraiment les anciens contes qui appartenaient à mes parents. Donc c'était ceux des années 80, 60. Et donc moi j'avais ceux-là. Et puis je regardais beaucoup de films. Et je regardais souvent Miyazaki. Ah, magnifique Miyazaki. Oui. Si je comprends bien, on a cité Azur Asma, on a cité Miyazaki, on a cité. C'était des contes ou des récits qui vous faisaient voyager dans la tête, dans des pays lointains. Vous préfériez les pays lointains ou des contes plus locaux, plus régionaux, plus français, si je peux dire? Moi j'aimais les deux, mais j'adorais surtout quand ça se passait pas à notre époque, à ce moment, j'adorais quand c'était souvent dans les pays exotiques, les pays qui n'existaient pas, genre Peter Pan, tout ça, j'aimais bien parce que ça se passait pas dans notre pays, ça se passait autre part, mais j'aimais bien aussi les contes de la région. Oui, Romain. Oui. On va peut-être parler d'autres livres, oui, d'un peu oui. plus tard. Livres oui, de nous. On continue. Oui. De notre époque. Continue, on peut lire des livres de notre époque. Et des BD. Parce que maintenant il y a beaucoup plus de BD qu'avant. Oui, il y a beaucoup plus de BD. Mais... Et qu'est-ce que vous aimez? Moi, ma BD préférée, c'est Mortel Adèle. Mortel Adèle, ça raconte un peu l'histoire d'une fille en fait. Qui est allergique à la gentillesse. Hein. Franchement, elle déteste tout. Elle est peste avec tout le monde. Ah ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'adresse pas trop. Ça s'adresse aux enfants, mais pas que, parce que ça parle aussi des parents, de l'homosexualité, des trucs comme ça, des sujets comme ça. Et puis c'est super bien. Moi, c'est j'adore. Drôle. Oui, Amélie. Donc moi j'aimais bien aussi Mortal Adèle et j'aimais bien aussi Titeuf. C'est vraiment trop bien. Ah, Titeuf, bien sûr. Et Boulette. Boule à zéro aussi. Boule à zéro, c'est... Vous connaissez? Oui, oui, je connais. Oui. Boule à zéro, bah, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a le cancer depuis qu'elle a 3 ans, je crois. 3-4 ans. Elle est toujours dans l'hôpital et puis on raconte les opérations qu'elle subit, ses amis qu'elle perd, ceux qui arrivent dans l'hôpital. Et après, des fois, il y a des trucs d'anniversaire, tout ça. Il y a tout ça. Et tout ce qui se passe. Et que en fait c'est assez joyeux comme BD. Ouais. C'est même si ça parle quand même de. Oui. Ça parle d'un cancer quoi. Hein. Oui, mais c'est ça prouve que même qu'elle a le cancer, et bah elle est quand même heureuse pour s'amuser avec des amis, tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ce qui est triste, c'est quand même qu'on apprend vraiment, parce qu'en fait c'est une vraie histoire, je crois, et que bah l'éditeur il sort encore, il travaille avec, celui qui écrit l'histoire, il travaille avec des enfants, qui sont du coup, qui ont un cancer, et il travaille avec eux, et puis il sort une BD, chaque année en fait, hein. Et là il va y avoir une nouvelle qui va arriver, je crois que ça s'appelle le fantôme de la 672, un truc comme ça. Oui, après là on va parler d'autres BD. Oui. Vous connaissez les Seuls comme BD? Oui, je connais un peu, mais j'ai jamais trop lu. Mais je connais, mais oui. Je connais, mais j'avais déjà vu au CDI, mais j'ai jamais trop lu en fait les BD Seuls. À toi, oui. Ouais. Moi j'ai déjà pas mal lu. Là, j'en suis à la BD 9. J'attends que le cycle 3 sort en entier. Et en fait c'est l'histoire où en fait c'est 5 enfants, ils sont tout seuls dans leur ville, un peu comme les enfants de Timbalback. Oui, voilà, un peu ça m'a fait penser à ça. Et en fait après ils vont rencontrer d'autres enfants et ils vont découvrir des choses étranges qui se passent dans la ville. Et en fait après ils vont découvrir qu'en fait ils sont en quelque sorte dans un autre monde qui en fait on pourrait croire que c'est simple comme histoire, mais en réalité c'est très compliqué parce que on croit ça, alors après dès la page suivante, ah non, c'est autre chose, tout ça. Enfin, c'est, je vous en dis pas plus si vous voulez lire. Bah, en fait, y a aussi pas que des BD, parce que aussi aujourd'hui on a des magazines et on a des romans. Alors moi je suis une grande fan de la saga Harry Potter. J'adore ça. Et donc en fait Harry Potter, ce qui est bien, c'est que tu peux le voir en film. Et il y a pas longtemps, du coup en 2018, en novembre, il y a Les Animaux Fantastiques qui est sorti, le 2. C'est vrai. Et du coup il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées à Paris. Par exemple aux Galeries Lafayette, ils ont installé plein de stands photo Harry Potter, un magasin géant Harry Potter à l'intérieur des Galeries Lafayette. Et c'est vraiment incroyable parce que Harry Potter, en fait, ce qui est bien, c'est que ça touche plein de générations. Ça peut toucher des enfants vraiment très très jeunes, des enfants qui ont 7 ans. Il y a des gens qui sont des enfants fans d'Harry Potter alors qu'ils n'ont que 7 ans. Et des gens qui ont 24 ans, 30, voilà. Oui, en fait, ça touche tous les âges. Et puis, donc la génération-là, on les appelle les Potterheads. Et puis, il y a des conventions internationales, des conventions mondiales. Aussi, il y a des studios Harry Potter. Par contre, ça coûte très très cher d'aller là-bas. Et Harry Potter, c'est vraiment un super livre parce que c'est une bande de copains. Et puis, ça rentre un peu dans tout ce que les gens aiment, quoi. Et là, parce que tu vois à la fois, vous tous, voyez à la fois le film Harry Potter et le livre. Oui. Est-ce que c'est deux approches différentes. Qu'est-ce que vous trouvez de bien? Bon, le film, c'est évident, bien, mais dans le livre lui-même, qu'est-ce que vous trouvez l'intérêt dans la lecture? Amélie? Je trouve l'intérêt de la lecture, parce que le film, il est toujours pas pareil que dans le livre. Oui. Puis il y a plus de détails que dans le film. C'est plus entreprenant. Intériorisé. Oui. Tu l'intériorises plus. Oui, toi. Parce que il y a les scènes qui sont loupées en fait. Oui, parce que justement pour le film, on impose la scène, alors que quand on lit, on s'imagine c'est sa propre scène. Bon, après en lisant, les personnages font les mêmes gestes, tout ça, mais on imagine autrement que dans le film. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde, il y a un hashtag qui a été lancé, ça s'appelle le hashtag Harry Potter. Et c'est vraiment sur partout, vraiment partout. Ouais. Sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. En fait, on peut retrouver le hashtag Harry Potter partout. Et c'est des gens qui sont fans d'Harry Potter. Et puis, bien sûr, dans Harry Potter, il y a toujours... comment dire, Harry Potter, c'est vivant, même si l'histoire est terminée, parce qu'il y a quatre maisons. Donc, les quatre maisons, Serre d'Aigle, Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. Et dans la vraie vie, bah, ce qui est marrant, c'est que, en fait, les gens qui sont des Potterheads, bah, leur maison, pour eux, c'est sacré, c'est important. Et du coup, bah, parfois, il y a des bagarres pendant ça. Est-ce que tu es du côté des forces du mal? Et en fait, voilà. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Il y a même des collèges privés, il y en a un à Nancy, je crois, qui proposent une année Harry Potter. Donc en fait, eux, en chimie, ils vont faire des expériences Harry Potter, en maths, des trucs Harry Potter, en français, de la lecture Harry Potter. Et surtout, en histoire, ils font de l'histoire des, du coup, des sorciers. Ouais. Et puis, en mai, je crois, ils vont partir faire un voyage sur les traces d'Harry Potter, sur tout où ça a été tourné et tout. Et puis, en fait, les élèves, au début d'année, ils ont la cérémonie du choix-pot aussi. Donc, ça dit à quelle classe ils appartiennent, Gryffondor, Serre d'Aigle, voilà. C'est où, ça? À quel endroit, tu dis, à Nancy? Oui, je crois que c'est à Nancy. C'est vraiment, ils font ça avec les 5e, 4e, et c'est vraiment un rêve. Ah ben, disons. Il faudrait en fait qu'ils fassent ça dans ce collège, mais bon. Ah. C'est... Alors là. Mais c'est pas compliqué, il faut 100. Ah ben ça, faut le dire à vos professeurs. Il faut le dire aux professeurs, il faut le dire dans vos réunions. Vous êtes peut-être délégué de classe non. Ou non, non. En tout cas, il faut le dire. Non, parce que pas bête. Mais ce genre de choses, ça me plaît parce que. Il y avait beaucoup de choses comme ça, je veux dire autrefois, parce que dans les années 70, qu'on faisait ici, on avait même réalisé un film pour FR3, qui se passait dans des légendes de la région, à la chapelle des V, à Morteville, et c'était sur FR3, et c'est, alors qu'on n'avait même pas encore FR3 dans la région. C'est un problème. Faire ça dans un collège, ça doit vraiment être amusant. Et en fait, pourquoi pas le proposer cette année à notre principal? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup d'argent pour ça. Nous, on a juste... en fait, moi, ce qui me plairait, c'est pas d'aller sur les traces d'Harry Potter. Moi, je l'ai déjà fait à Londres. Donc, personnellement, je m'en fiche un peu. Mais ce qui serait bien, en fait, c'est qu'ils proposent une classe Harry Potter, une classe qui soit pour Harry Potter, qui fasse... Mais voilà, puis ça apprend toujours les maths, la chimie, on fait des expériences plus compliquées, et donc je pense que ça serait bien parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont fans de ça, et il y a beaucoup de gens aussi qui croient que Poudlard existe. Désolée, ça n'existe pas. Je sais, vous avez mal au cœur, c'est compréhensible. Si j'étais encore prof, ce que je suis plus, parce que je suis là, mais je suis hors cadre, mais je ferais ce genre de choses. Je faisais du théâtre, moi, dans l'atrium, que je filmais. On faisait les hommes préhistoriques, on faisait le Moyen-Âge. Je faisais toute l'histoire en théâtralisation et en film. Mais monsieur, pourquoi vous ne proposerez pas Je peux toujours, hein. Bah, essayez. Alors, là, ça passe à la radio, en tout cas, s'il écoute. Fait de la pub. Oui, mais bon, vous savez ce qui se passe, malgré tout, mes enfants. Moi, j'en ai connu tout et le contraire de tout dans l'école depuis 1966 où j'étais enseignant, 68 notamment. Là, on avait des expériences fabuleuses qu'on pouvait faire de 68 à 70. Puis après, maintenant, on est devenu beaucoup plus. Les profs sont tenus de faire un programme, de respecter, de rendre des comptes par rapport aux horaires aux inspecteurs. Ils font plus ce qu'ils veulent. Hein. Alors maintenant, si ça se passe dans certaines écoles, tant mieux. Hein. Bah oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça ouvre l'imagination. Et puis, c'est sûr que, en fait, c'est pas extrêmement cher. En fait, le but, c'est juste de faire des expériences avec le matériel et quoi. Faire parfois des petites heures d'histoire, des petites minutes d'histoire où on apprend quelques trucs sur la sorcellerie tranquillement. Juste des maths. En fait, les maths, ça va les transformer, par exemple, Aragog plus quelque chose. Ça peut être plus amusant. Et puis, on va juste appartenir à une maison l'année. C'est amusant. En fait, ça rend collège, plus magique et plus imaginaire. Ah oui. Alors, tu peux attirer plus de monde. Est-ce que vous connaissez... Et en faisant ça peut attirer plus de monde au collège. Et en plus, avec les animaux qu'on a, bah en fait, on peut toujours dire que ça, c'est de la science animalière. C'est fantastique. Et en plus... Ce qui est dommage en français, c'est que, en fait, on n'étudie pas des livres. En fait, il y a beaucoup de livres qu'on n'aime pas trop, quoi. Ouais, ça, c'est le programme. C'est le problème des programmes. En fait, il faudrait qu'on étudie des livres qu'on a vraiment envie de lire, Harry Potter, bien tout sûr. Ça, des choses qu'on aime bien, des choses comme science-fiction, comme Romain il aime, des trucs des qu'on seuls. Oui, des trucs comme ça, des trucs qui plaisent, parce que maintenant, en français, c'est toujours la même chose. On étudiera toujours Molière, tout ça. Oui, on voit que c'est normal quand même. Hein. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant quand même, Molière, mais c'est vrai que découvrir de nouveaux horizons, c'est bien aussi, c'est mieux. Exact, oui. Bon, alors là, vous aurez toute la réforme de l'enseignement qui viendra. Quand vous serez ministre de l'Éducation nationale, vous pourrez l'aborder. Moi, quand je vais être ministre. Mais ça me fait penser, tout ça, vous connaissez, puisqu'on parle un peu de sorcellerie, on dévie un peu, mais c'est toujours le même sujet. Amandine Malabule. Est-ce que vous connaissez des lieux dans la région qui sont des lieux de sorcellerie dans l'histoire? On ne vous l'a pas appris, ça? En fait, non, pas du tout. Moi, je pourrais vous l'apprendre, mais bon. Je vous le dis un petit peu. Moi, allez, je veux bien. Ça fait partie des missions. Mmh. Moi, ça me dérange pas. Alors, il y a, par exemple, la roche du sabbat à Bussan. C'est une roche où il y avait les sorciers, les sorcières. Mais ça existe. Qui s'agissait. Oui, il y a une roche du sabbat. Mais c'est-à-dire, on ne sait pas. On suppose que ça existait. Il y a eu des procès de sorcellerie en 1620 où on a brûlé trois sorcières, deux de Bussan et trois de Ramonchamp, ou l'inverse. Et qui était accusé de sorcellerie, de danser avec le diable. Alors, dans des lieux, notamment dans le vallon du Cessenat, où il y a au-dessus la roche du sabbat. Une autre roche du sabbat, le sabbat, c'est la danse des sorciers, des sorcières. Il y avait aussi, puis elles y allaient soi-disant par les airs. Avec leur balai. Voilà. Avec leur balai. Mais en fait, ce qui est bien avec Harry Potter, c'est que c'est pas les sorciers comme on les connaît, les vilains sorciers qui font les potions avec leur balai et tout. Non, il y a vraiment un univers entier. Il y a même des. Comment dire, par exemple, des livres qui sont pas du tout de la saga Harry Potter, mais qui expliquent le monde Harry Potter. Par exemple, le secret de l'histoire d'Harry Potter, les animaux. Moi, j'en ai vu plusieurs. En fait, c'est un monde. En fait, c'est un deuxième monde dans la lecture. Bien sûr. C'est un monde de petits. Je vous parlerai une autre fois de toute. Ainsi, la sorcellerie. Roche du Sabbat, il y en a une aussi à Ferdru. À Ferdru, c'est ça. Et puis, donc, une autre roche qu'on appelle Roche du Sabbat. Et à Fraisse, mais j'ai oublié, la Roche du Sabbat de Fraisse, où on dit qu'il y a les sabots du diable dans la roche. Il y a une empreinte de roche, c'est peut-être glaciaire, hein, mais on dit que c'est le diable. Près du vallon de le haut du vallon, qu'on appelle. Oui. Voilà. Sinon, vous avez d'autres livres à nous dire, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on aime. Mais on continuera. Je vois que le sujet est inépuisable. Il y a Jules Verne qui est bien, de la Terre à la Lune, 20 000 sous les mers. C'est des trucs qu'on avait de mon temps. Moi, j'ai. En fait, moi, en ce moment, au CDI, j'emprunte les cerises. Les cerises parce que l'auteur est venu l'année dernière. Oui, je l'ai vu ici. Je l'avais interviewé. Moi, je lis beaucoup en ce moment une nouvelle série qui s'appelle Crush. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire de différentes filles à travers l'Amérique. Et à chaque fois, ça change. Et puis, c'est vraiment destiné aux ados. Et voilà. Il y a beaucoup d'autres livres comme... il y en a trop. C'est très beau. C'est très beau. Vous savez ce que ça me rappelle, votre vocabulaire, vos préoccupations. Une histoire qui a beaucoup marqué mes enfants à l'époque, c'était l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin, ça s'appelait l'Histoire sans fin, c'était un film. Il y avait un gros chien blanc qui s'appelait Falcor. Et ça a marqué mes enfants. Et l'idée, c'était que le pays de l'imaginaire se rétrécissait et menaçait de disparaître. Mais avec vous, je suis tranquille, le pays de l'imaginaire continue, et c'est ça qui fait plaisir. Mais en fait, ce qui est dommage en ce moment, c'est que il y a beaucoup de gens qui lisent plus, parce qu'ils sont souvent absorbés par leur téléphone. Il y a beaucoup de gens en fait, qui prennent plus le temps de lire parce qu'ils sont sur leur téléphone, à faire leurs flammes, leurs stories, à regarder combien ils ont de données. C'est dommage, parce que la lecture, c'est quand même important. C'est un autre monde. C'est un autre monde, oui. En plus, c'est important de lire tout ça, de préserver notre imagination, les langues et tout ça. Oui. C'est très important. L'orthographe. Même l'orthographe, tu as raison. Aussi, en fait, quand on lit, il y a plein de possibilités. En fait, j'ai rencontré une écrivaine un jour au Salon du Livre à Vaisselin qui m'a dit Lire, c'est comme une aventure, ça s'arrête jamais. En fait, les pages d'un livre, c'est comme si c'était un bateau, elle m'a dit, et qu'on navigue à travers une histoire, et puis ça s'arrête jamais. Et puis... Mais en fait, ce qui est dommage en ce moment, c'est que tout le monde est absorbé par le monde du virtuel. Plus personne prend le temps de lire. Moi, je dis ça, mais bon, moi aussi, je suis pas mieux. Hein. Moi aussi, je regarde mon téléphone tout le temps. Oui. Mais bon, parfois, il faut savoir prendre le temps de s'arrêter et de lire. Mais là, au lieu de s'arrêter, ça sonne. Bonnes vacances et à bientôt. Ah, bah vous, oui, merci, bonnes vacances. C'était une super émission, t'as pas aimé, toi ? Ouais. Bon, bah c'est bien. Vous voyez ? Mais c'est vrai que les livres. Il y a de quoi faire, hein. Ah, bah oui. Ah, c'était donc le club radio du Collège du Tillot. Alors vous avez pu, excusez-moi, entendre leur vivacité. Et voilà, et moi je tousse, là, c'est pas grave. Et on va bientôt se quitter. Eh ben, à vos souhaits. Et donc, ouais, cette radio des collèges, ça, c'est toute chaque semaine, et ça passe sur Radio des Ballons. Mais il n'y a pas de raison que ça passe pas un peu sur Radio Gabozo. Enfin, ça passe sur Radio des Ballons parce que c'est au TIO. Et c'est des élèves du TIO. Et voilà. Donc, ben, on va écouter un petit peu de Corse. C'était donc Da Sant'Andrea di Bodio par Tavagna. On va en se quitter, encore le temps d'écouter pour se dire au revoir. Terzetti di più verne par Canta o Popolo Corse. Et hop. Si basta malamente. Pour le Corso, eh bien, bonne nuit et à bientôt. Arrivederci.